Bien. Chers amis, si vous voulez bien, nous allons reprendre à l'heure pile, étant donné que les dernières sessions, un vendredi après-midi, il faut les tenir d'assez près du point de vue de l'horaire, parce que c'est très désagréable qu'elles s'effilochent à la fin, parce que les gens sont pressés de reprendre leur train, etc. Donc, nous allons ouvrir la session qui prolonge celle de la fin de la matinée, hein, autour du titre « L'inscription des associations de spécialistes dans le champ militant ». Ceci de 14h15 à grosso modo 16h pour permettre aux organisateurs de tirer les conclusions, et spécialement à Clémence, de tirer les conclusions de ce colloque. Nous allons entendre 4 intervenants cet après-midi, mais pour 3 communications, puisqu'une sera à 2 voix. Donc successivement Yves Verneuil, Ismaïl Ferra, Aurélie Liobet et Igor Martinache pour la dernière intervention. Nous allons procéder dans l'ordre qui est évidemment mentionné dans le document, mais qui est aussi l'ordre chronologique, hein, puisque Yves va commencer par nous parler des sociétés de spécialistes et leurs relations avec les syndicats du début du XXe siècle aux années 40. Voilà, tu as la parole, Yves. Pour 20 minutes, je demande aux intervenants de respecter scrupuleusement ce temps, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Alors, en 1905 apparaît la Fédération nationale des professeurs de lycée. À peu près dans la même période se forment les associations de spécialistes. Alors, on peut se poser évidemment la question, ces deux formes d'associations entretiennent-elles des liens ou bien agissent-elles chacune de leur côté en s'ignorant mutuellement avec l'idée qu'il y a un partage des tâches? À la Fédération, les questions corporatives, aux sociétés de spécialistes, les questions pédagogiques. Seulement, peut-on vraiment séparer les questions corporatives et les questions pédagogiques? Et puis, il y a la question, j'en parlais tout à l'heure, des élus désagrégés au Conseil supérieur de l'instruction publique. Élus qui sont chacun élus dans leur spécialité. Alors, qui représente-t-il, l'enseignement secondaire ou bien leur spécialité? Alors, pour répondre à ces questions, je distinguerai deux phases. Avant et après 1929. Avant 1929, la Fédération nationale voudrait se poser en instance coordinatrice, mais elle finit toujours par reconnaître l'indépendance des associations de spécialistes. Après 1929, une autre conception commence à voir le jour sous l'influence des syndicalistes les plus avancés. Donc, dans une première phase, la Fédération nationale cherche à se poser en coordinatrice des associations de spécialistes. Alors, la première fois, c'est en 1911. L'administration réfléchit alors aux conséquences de la réforme de 1902 et des questions d'allègement des programmes. Alors le Congrès de la Fédération nationale demande alors que les sociétés de spécialistes se réunissent sous son égide, sous l'égide de la Fédération, pour en discuter. L'idée, c'est que si les associations de spécialistes restent isolées, elles se combattent entre elles et l'administration profite. Il faut donc une coordination et, dit-on, c'est le rôle de la Fédération. Elle centralisera les travaux, elle transmettra les conclusions aux autorités compétentes. Ce vœu est combattu par Henri Bernès, qui est le président de la Franque ancienne, pour qui la Fédération est incompétente sur les questions de spécialité. Pour lui, il faut laisser les sociétés de spécialistes s'arranger entre elles. Et d'autres partagent son avis. Ils estiment que la coordination se fait déjà, du fait que les élus des professeurs de lycée au Conseil supérieur préparent ensemble les sessions. Donc, pas besoin de la Fédération pour une coordination. Seulement, il est fait remarquer que les naturalistes, à cette époque-là, n'ont pas d'élus au Conseil supérieur, ni l'enseignement secondaire féminin. Les élus ne peuvent donc pas suffire à assurer la coordination. Et par conséquent, finalement, le vœu d'une coordination par la Fédération nationale est adopté. Résultat, une première réunion a lieu en novembre 1911. Elle réunit des représentants de la Fédération nationale et des sociétés de spécialistes. Alors, il n'en ressort pas énormément de choses, si ce n'est un questionnaire, mais il y a quand même une discussion assez générale sur les horaires. Chacun expose les horaires qu'il souhaiterait. D'ailleurs, il était question de réduction, on finit finalement par en rajouter. Les horaires dans les différentes classes. Bon, sauf que, ça c'est pour l'anecdote, mais Mallet, vous savez, l'homme des Mallet Isaac, qui est professeur d'histoire, suggère que, on peut en rajouter si on retire de l'horaire officiel l'enseignement du dessin, qui, franchement, ne fait pas partie à ses yeux l'enseignement des lycées. Bon, seulement, et c'est ça le plus important, dès la deuxième réunion, il apparaît que parallèlement Parallèlement à ces réunions, les historiens ont fait des démarches particulières auprès des personnels politiques. Ce qui veut dire que les sociétés de spécialistes ne se sentent pas liées par ces réunions communes sous l'égide de la Fédération nationale. Et le président de la Fédération, Albert Fedel, l'admet au reste dès la troisième réunion, en janvier 1912. Il dit ceci, enfin il fait observer que les décisions prises ne lient personne et qu'elles constituent seulement un essai de conciliation destiné à être proposé à l'étude des sociétés de spécialistes dont le droit de décision et de modification reste entier. C'est évidemment reconnaître l'indépendance des sociétés de spécialistes. Cependant, la question est reposée après la guerre. Il y a alors, au sein de la Fédération nationale, un désir de réforme de l'enseignement, désir qui, vous le savez, est commun avec les compagnons de l'Université Nouvelle. De ce fait, il n'est plus vraiment possible de séparer les questions corporatives et les questions pédagogiques. En 1919, le Congrès de la Fédération prévoit donc la nomination d'une commission de coordination des spécialistes. Et le Congrès de 1920 décide de nommer une commission de réorganisation de l'enseignement, commission qui comprend les présidents des sociétés de spécialistes, les élus au Conseil supérieur, une dame de chaque société de spécialistes, et puis des membres du bureau de la Fédération nationale. Je signale que la Société des professeurs des classes élémentaires, chère à mon président, obtient d'avoir un représentant, et son président, qui s'appelle Flo, explique que c'est spécialité encyclopédique. Voilà, ce qui vraiment justifie ça. Bon, ça suscite, je dois le dire, les sarcasmes, parce que j'ai trouvé ça dans le bulletin en fait de la Société des professeurs d'histoire et géographie. Bon, évidemment, eux, ils ricanent. Hein, mais ça rappelle ce que disait hier Renaud sur l'opposition entre la culture primaire et la culture secondaire. Bon. Alors, en tout cas, il y a donc de nouveau des réunions, mais dès 1919, suite à l'intervention de Busson, qui est secrétaire général de la Société des professeurs d'histoire et de géographie, on se dit d'accord pour séparer les affaires de la fédération, les affaires fédératives, des affaires purement techniques que les sociétés de spécialistes ont à régler avec les inspecteurs généraux et avec la direction de l'enseignement secondaire. Autrement dit, la fédération peut bien continuer à mettre en place des commissions, les sociétés de spécialistes, comme avant la guerre, conserveront leur autonomie d'action. De toute façon, la première réunion de la commission de réforme sur l'enseignement n'aboutit à rien, dès lors que personne, de nouveau, n'est prêt à faire des sacrifices horaires. Et lors de la seconde réunion, Busson insiste de nouveau sur l'indépendance des sociétés de spécialistes. Il a indiqué, Busson, que les historiens étaient tous animés de sentiments nettement amicalistes, mais que les questions traitées par eux n'avaient pas le même caractère que celles débattues par la Fédération, et d'ailleurs que leur groupement comprenait d'autres professeurs que les professeurs de lycée. Et c'est vrai qu'en 1920, la Société des professeurs d'histoire et de géographie s'est ouverte aux professeurs d'école normale et aux professeurs d'école primaire supérieure. Résultat, en tout cas, à l'unanimité, l'Assemblée a décidé que les sociétés de spécialistes continueraient à traiter, comme par le passé, les affaires dont elles ont la charge. Donc finalement, rien de changé. En 1921, nouvelle tentative. Avec un nouvel élément, la Fédération nationale instaure dans ses statuts un article qui vise à préciser ses liens avec les sociétés de spécialistes. Les sociétés de spécialistes, est-il dit, sont rattachées à la Fédération pour toutes les questions d'ordre pédagogique. Cet article peut donner plus de légitimité aux réunions que la Fédération organise avec les sociétés de spécialistes. Et de fait, c'est en invoquant cet article que l'année suivante, le président de la Fédération nationale convoque une nouvelle réunion. Le sujet, c'est le projet de réforme Bérard, qui émeut les professeurs de lycée. Un des représentants de la franco-ancienne, Moulinier, qui craint d'être mis en minorité, insiste pour que la réunion n'ait qu'une finalité consultative. N'engage ni la Fédération, ni les sociétés de spécialistes. Mais le président de la Fédération, qui est à l'époque Victor Kopp, annonce qu'il présentera au Parlement et à la presse les décisions, et il dit bien les décisions, qui ont été prises lors de ces réunions. Et de fait, il y a effectivement vote. D'abord, un ordre du jour condamnant le projet Bérard de réforme, puis la décision de provoquer un référendum fédéral sur le maintien de la section moderne, c'est-à-dire son latin. Ce référendum donnera donc l'avis des professeurs de lycée par-delà les spécialités. Bernès, donc le président de la franco-ancienne, proteste alors. Il estime que la Fédération nationale sort de ses attributions. Et de fait, avec cette décision, la Fédération paraît chapeauter les sociétés de spécialistes. Alors qu'il y a eu effectivement vote et décision sous l'égide de la Fédération, cela aurait pu créer une situation nouvelle. Mais à vrai dire, cela ne s'est pas reproduit. En fait, si les sociétés spécialistes ont alors admis un vote, c'était uniquement pour montrer aux représentants de la Franque ancienne leur hostilité à la réforme Bérard. Et par la suite, ils ont continué d'agir de façon indépendante. On le voit bien une nouvelle fois, en 1930, quand le ministère réunit une commission sur le surmenage. Le syndicat national des professeurs de lycée voudrait que les professeurs coordonnent leurs réponses. Et une nouvelle fois, du coup, une commission est créée qui comprend les représentants des associations de spécialistes et les élus au conseil supérieur. Par conséquent, quand Maurice Lacroix fait sa déposition au nom du syndicat national devant la commission ministérielle, il annonce que sa déposition représente l'opinion moyenne des professeurs de lycée. Mais en fait, chacune des sociétés spécialistes fait parallèlement une déposition propre. Alors de fait, selon les statuts syndicaux, je dis syndicaux parce qu'à partir de 1925, la Fédération nationale s'est transformée en syndicat. Et donc selon ces statuts, les sociétés spécialistes, on l'a vu, sont rattachées au syndicat pour toutes les questions pédagogiques. Mais rattachées ne veut pas dire comprises. Et à la vérité, ça ne veut pas dire grand-chose. Comme l'écrit en 1929 le président du syndicat national, Victor Kopp, qui est un agrégé de grammaire et qui par conséquent a le sens de la litote, eh bien, on ne peut pas dire que cet article des statuts soit d'une netteté et d'une clarté éblouissantes. Dans la pratique, ça signifie essentiellement quoi ? Que lors des congrès syndicaux, les représentants des sociétés spécialistes peuvent exprimer ce qualité, mais pour autant, il n'est pas question pour eux de faire appel à l'arbitrage des congrès syndicaux. En fait, pour les sociétés spécialistes, dès lors que les questions pédagogiques touchent à leur discipline, elles se réservent le droit d'en traiter en toute indépendance. Et le président de la Fédération nationale, Victor Kopp, reconnaît au reste leur souveraineté. C'est cette situation que déplorent un certain nombre de syndicalistes qui sont membres des syndicats cégétistes ou bien unitaires. Et de fait, cette situation est dénoncée par Maurice Husson lors du congrès national du syndicat de 1929, du syndicat national de 1929. Maurice Husson, qui est par ailleurs membre de la Fédération unitaire d'enseignement, voudrait que le syndicat national institue en son sein une commission pédagogique. Cette commission pédagogique comprendrait elle-même des sous-commissions pour chaque spécialité. Ces sous-commissions n'auraient pas vocation à se substituer aux diverses sociétés de spécialistes, qui d'ailleurs comprennent parfois des membres d'autres ordres que l'enseignement secondaire. Ces sous-commissions traiteraient des intérêts particuliers aux membres de l'enseignement secondaire. Et puis la commission pédagogique ferait un travail de coordination. Alors Maurice Husson développe son point de vue dans un rapport qui est destiné à être discuté lors du congrès syndical de 1930, mais les sociétés spécialistes craignent évidemment leur disparition, et lors du congrès de 1930, le rapport est prestement enterré. Si ce rapport avait été adopté, il n'est pas impossible que les élections au conseil supérieur auraient fini par être contrôlées par les organisations syndicales, comme d'ailleurs dans le primaire. Et c'est d'ailleurs ce que souhaitent les dirigeants du syndicat confédéré, c'est-à-dire cégétiste. Après les élections au Conseil supérieur de 1931, Lucien Mérat écrit ainsi dans le bulletin du syndicat cégétiste des professeurs de lycée, « L'élection se fait uniquement sous le contrôle des associations de spécialistes. Le syndicat national et la société des agrégés publient les candidatures et les déclarations, mais à cela se borne leur intervention. » En sorte que les élus des agrégés appelés à défendre au sein du Conseil supérieur l'ensemble des intérêts moraux de l'université, et plus particulièrement l'intérêt de l'enseignement secondaire, échappent en fait au contrôle des organisations syndicales. Alors, Lucien Mérat écrit ça pour déplorer cette situation. Il trouve qu'au lieu de réfléchir à un plan d'ensemble, chaque élu se sent tenu de défendre son précaré disciplinaire, et que ça ne va pas du tout. Lors des élections suivantes, qui ont lieu en 1934, au lendemain du 6 février, donc, le syndicat unitaire propose au syndicat cégétiste une liste commune qui se donnerait pour but la défense des libertés civiques et syndicales plutôt que la défense étroite des intérêts d'une discipline. Le syndicat cégétiste est d'accord sur le fond, mais il ne donne pas suite pour des raisons politiques. Ces candidats insistent néanmoins sur la nécessité d'une nouvelle logique où le syndical primerait sur le disciplinaire. Pour Maurice Weber, par exemple, il n'est plus possible d'isoler l'enseignement de l'ensemble des problèmes politiques, économiques et sociaux. Cependant, tous les syndicats cégétistes sont battus. Le secrétaire général du syndicat cégétiste des professeurs de lycée, Maurice Janet, est lui-même battu par Théodore Suran, le nouveau président de la Franco-ancienne. Alors l'idée d'une implication syndicale dans les élections au Conseil supérieur fait néanmoins son chemin. Et c'est le cas aussi au syndicat national. Pour ces mêmes élections de 1934, ce syndicat a pour la première fois demandé au candidat de se déclarer en plein accord avec lui. Et cela, comme l'écrit le président, tout en laissant une certaine latitude aux sociétés de spécialistes pour désigner leurs candidats et fixer un programme. Alors vous allez me dire, ça ne mange pas beaucoup de pain, mais ça permet au moins de pointer du doigt d'abord les non-syndiqués. Et surtout, ça dessine une tendance, l'intervention syndicale, dans les élections au Conseil supérieur. Cette orientation se renforce après 1937, avec la scission du syndicat national et la création du SPES, l'ancêtre du SNES. Conformément aux vues qui avaient été exprimées par Maurice Husson, le SPES met alors en place une commission pédagogique et, au sein de cette commission, des commissions de spécialistes. Le SPES insiste sur le fait que ces commissions ne visent pas à remplacer, à concurrencer ou à noyauter les sociétés de spécialistes. Plusieurs membres du SPES jouent d'ailleurs un rôle important dans ces sociétés. Le SPES dit ainsi sur le fait qu'il veut entretenir des rapports cordiaux avec elles. Et d'ailleurs, il ouvre ses commissions de spécialistes aux membres des sociétés de spécialistes, pourvu qu'ils soient membres du SPES. Alors, est-ce que c'est par conséquent une reconnaissance par le SPES de l'importance de l'identité disciplinaire des enseignants? Mais on pourrait dire, dans un autre sens, que ces commissions de spécialistes internes au SPES sont en lien avec sa commission pédagogique et que c'est cette dernière qui impose ces thèmes de réflexion et qu'il y a donc une liaison nouvelle entre les questions de spécialistes et la vie syndicale. Concernant les élections au Conseil supérieur, le SPES comme le syndicat national ont désormais leur candidat. Il y a donc désormais rivalité syndicale. Cependant, tous les candidats, ou presque, continuent à se recommander d'abord de leur société de spécialistes. Il est vrai que le mode d'organisation des élections au Conseil supérieur, je rappelle un agrégé par spécialité, rend inéluctable une polarisation par discipline. Ça renforce forcément, chez les professeurs de lycée, une identité professionnelle fondée sur la discipline enseignée. Et de ce fait, on pourrait dire, en conclusion, que si les associations de spécialistes ont perduré, en dépit des tentatives syndicales de chapeautage, ou en dépit de la constitution de commissions de spécialistes, ben on pourrait dire peut-être que c'est à cause du mode d'organisation des élections au Conseil supérieur. Seulement, après 1945, le mode d'élection au Conseil supérieur change, il n'est plus vraiment favorable aux spécialités, mais les sociétés spécialistes, vous le savez, on en a suffisamment parlé, elles ont survécu. Ça prouve par conséquent une nécessité plus profonde. Alors on pourrait dire que c'est pas une question, malgré tout, de partage des tâches. Oui, un peu, mais pas complètement, parce qu'on a vu que les syndicats se sont saisis aussi des questions pédagogiques. Et inversement, dans les sociétés de spécialistes, il est aussi question des conditions de travail, et même de revendications corporatives. L'Union des physiciens, par exemple, s'intéresse au cas des préparateurs. Alors la raison de l'existence des sociétés de spécialistes, on la trouve peut-être dans le premier numéro de l'Union des physiciens. Dans ce premier numéro, on explique ceci pour justifier cette société, que lorsque deux professeurs de physique se rencontrent, la conversation porte invariablement sur le sujet qui les préoccupe partout et toujours, les travaux pratiques de leurs élèves. Autrement dit, pour dire ça d'une autre manière, la conversation n'est pas la même dans le cabinet de physique ou le cabinet d'histoire et dans la salle des professeurs. Ça correspond en fait à deux types d'identités professionnelles qui coexistent dans le professeur. Il y a une identité disciplinaire, il y a aussi une identité corporative plus générale, qui peut se traduire ou non d'ailleurs par l'appartenance à un syndicat. La question c'est comment ces identités se relient. Elles peuvent parfois se relier, mais elles peuvent aussi ne pas se relier, il peut ne pas y avoir de liaison. Il peut y avoir dans le professeur, y compris dans le professeur qui est syndiqué, deux identités qui coexistent sans chercher à se relier. De ce fait, les syndicats qui étaient engagés dans le mouvement ouvrier ont eu tendance à dénoncer le particularisme, les œillères des sociétés de spécialistes. M'ont-ils raison? J'en sais rien, mais en tout cas, leur avis doit être nuancé. Si on considère que dès 1920, je vous le disais tout à l'heure, la Société des professeurs d'histoire et de géographie a admis en son sein les professeurs d'histoire des écoles normales Elle est professeure d'histoire des écoles primaires supérieures. Et cela dans quel but ? Dans le but de se préoccuper de la coordination de l'enseignement. En 1938, l'Union des physiciens, contrairement à la franco-ancienne, en a fait autant. Et pour les mêmes raisons. Autrement dit, l'identité disciplinaire peut aussi être un élément d'élargissement du point de vue, mais d'une façon différente. Je vous remercie. Merci beaucoup, à la fois pour le contenu, évidemment, et pour avoir scrupuleusement respecté le temps imparti. Alors, je vais tout de suite donner la parole à Ismaïl Ferrat, qui va nous parler du SNES et des relations avec les associations de spécialistes, mais dans la période 1970-80, c'est ça, voilà. Merci. Alors, on va donc maintenant parler d'un sujet qui a été abordé à plusieurs reprises donc, durant ce colloque, les relations entre le syndical et les socialités. Et dans ce sujet, donc, le syndicat principal de l'enseignement du second degré, qui est le SNES. Alors, pour situer un peu le débat, qu'est-ce que le SNES ? En deux mots, cela a été dit, mais on peut rappeler les bases, notamment pour les gens qui ne sont pas militants, il y en a quand même quelques-uns ici. Le SNES, donc, c'est le syndicat national des enseignements de second degré. Le terme enseignement au pluriel n'est pas neutre, qui est né en 1944, enfin du moins sous la dénomination, l'acronyme actuel, donc SNES. Il a été rappelé effectivement qu'auparavant c'était le SPES. Le SNES a toujours été membre de la Fédération majoritaire du monde enseignant, donc FEN puis FSU depuis 1993. Et le SNES depuis 1967 est dirigé par une majorité Unité Action. Alors pour éviter de me faire taper sur les doigts, je dirais qu'elle est de gauche unitaire, assez marquée par les communistes. Voilà, peut-être pas complètement communiste. Plus sérieusement, donc, quels sont les rapports entre le SNES et les associations de spécialistes ? Alors, ce qu'il faut souligner, c'est peut-être un élément qui a été rappelé à plusieurs reprises, c'est que le SNES et les spécialistes partagent une conception du métier qui est une conception identitaire, à la fois professionnelle, notamment dans le second degré, donc du professeur, et au sein de cette identité, l'identité de spécialité qui effectivement fonde un rapport identitaire qui est commun au SNES et aux spécialistes. Donc de ce point de vue-là, il y a une convergence, une congruence entre ces deux champs. Deuxième élément, le SNES a un rapport qui est complexe, c'est moins qu'on puisse dire, aux associations de spécialistes, puisque dans le même temps, elles considèrent que les spécialistes peuvent être tentés, ou du moins peuvent être poussés, à avoir une position que le SNES a qualifiée régulièrement d'amicaliste, c'est-à-dire en fait un mode de mobilisation ou d'identité qui serait pré-syndical. Et effectivement, le SNES a eu un rapport historiquement assez complexe, hein, donc à la fois partageant une conception identitaire avec les spécialistes et en même temps considérant que les spécialistes sont une forme sub-syndicale ou pré-syndicale d'identité professionnelle. Et de ce point de vue-là, donc, les rapports sont complexes. Alors, la période qui a été choisie va de mai 68 à la loi d'orientation dite Jospin, pour des raisons d'ouverture des archives et d'autre part pour des raisons aussi de cohérence, hein, sur une période durant laquelle le second degré a été très fortement bouleversé en France, avec à la fois le mouvement de mai 68, les réformes de structure, notamment la loi Abi, qui joue un rôle important dans les rapports, et enfin, au final, la loi Jospin, donc, qui met l'élève au cœur du système. Alors, j'ai essayé de modéliser, si c'est possible, la relation en trois facteurs saillants. Premier facteur, c'est la nature interne des organisations. Les rapports entre le SNES et les spécialités, pardon, sont liés à la nature des organisations, donc la dynamique des effectifs, la nature des effectifs. Bien évidemment, lorsque les effectifs sont en crise, les rapports diffèrent d'une situation durant laquelle les effectifs sont en hausse. La question donc de l'orientation pédagogique, les conceptions pédagogiques ou éducatives jouent un rôle dans la dynamique des rapports. La question, effectivement, à partir des années 80, de la fin des militants, pour reprendre un ouvrage de Jacques Hillon, sur la crise des organisations militantes, donc on revient à cette question de la dynamique des effectifs, et du côté du SNES, l'émergence ou pas d'un syndicalisme dit de service, donc qui considère que l'adhésion des adhérents passe par une série de services qui seraient offerts aux adhérents potentiels ou avérés. Deuxième type de facteur d'explication, le type d'interaction. Donc cela passe notamment par le degré d'innervation humaine et idéologique. Et Laurent Frajaman a rappelé le rôle des militants multipositionnés, donc des militants qui sont dans plusieurs champs militants. Là aussi, effectivement, le degré d'innervation joue dans le degré d'interaction entre les deux univers. Deuxième élément important, c'est l'existence ou pas d'intérêts croisés. Donc, est-ce qu'il y a un moment des intérêts qui sont communs ou de champ ? Lorsque ces intérêts existent, bien évidemment, les interactions sont plus fortes. Cela coule de sens. Troisième type de facteur, c'est l'écosystème éducatif dans lequel les interactions se nouent. Premier type d'écosystème, c'est le secteur éducatif lui-même. Bien évidemment, la structuration du secteur éducatif joue largement dans le type d'interaction qui se noue ou dans l'absence d'interaction. Le deuxième élément, c'est l'évolution de l'agenda en matière de politique éducative, ou du moins le débat public en matière de politique éducative. Bien évidemment, quand le collège est au centre des débats, cela a un rôle sur la conception disciplinaire ou pas des métiers. Et enfin, pour reprendre une expression de la science politique américaine, de Paul Sabatier et en Europe de Tania Borzel, on peut penser à la notion de réseau de politique publique, c'est-à-dire à un moment, une interaction qui se noue entre plusieurs organisations sur un élément de politique publique parce qu'elles ont un agenda commun. Et effectivement, de ce point de vue-là, les organisations syndicales et les spécialistes peuvent se retrouver sur un agenda commun. Alors, problématique, quelles sont les continuités donc dans les rapports entre SNES et spécialistes à un moment où ceci semble varier beaucoup. Alors, rapidement, le plan. D'une part, on fait un plan chronologique, donc 68-73, un moment de perturbation. Année 70, vers la constitution d'un front du second degré. Et enfin, la désintégration apparente des relations durant les années 80. Alors, première partie, est-ce que les deux champs sont opposés autour de mai 68 ? Alors, premier élément, il faut souligner que le milieu lui-même change énormément à partir donc des années 1960, avec une explosion du champ de syndicalisation du SNES, très net dans ce graphique, évolution qui entraîne des bouleversements notamment syndicaux, puisque Unité Action conquiert donc le SNES en 67. Ces changements sont traduits par le SNES par une attaque très virulente contre les spécialistes. Donc, je vous ai trouvé quelques extraits, il y en a d'autres, qui montrent que le SNES considère que les spécialistes sont corporatistes, amicalistes, et qui constituent donc une régression dans tous les sens du terme, l'analyse politique étant sous-jacente à l'époque. Les spécialistes seront en quelque sorte une action de type pré-syndical qu'il faut combattre au nom du caractère progressiste de l'action syndicale. Et là, pour le coup, cette expression, elle est très nette dans les affirmations du SNES jusqu'en 73. Alors effectivement, cette analyse joue notamment sur la question de la place des disciplines. Le SNES, jusqu'en 73, a des positions assez novatrices en la matière, considérant qu'ils font plutôt aller vers une identité commune au second degré, quels que soient les personnels, et donc considérant que les spécialistes sont en quelque sorte des cailloux sur la route de ce front du second degré qu'il faut écarter pour plus de cohérence. Néanmoins, les rapports sont un peu plus complexes lorsqu'on prend les rapports association par association. Et donc là, je vous ai fait une petite galaxie, si je puisse dire. C'est toujours très pédagogique. Comment le SNES perçoit son environnement de spécialistes ? Alors, premier type d'organisation, ce sont les associations que le SNES considère comme étant déstabilisées. Donc celles qui posent problème, pour parler poliment. Alors, une série d'associations. La première, c'est l'APMEP, avec qui le SNES a d'excellents rapports. Je tiens à souligner que une des rares continuités sur la période, ce sont les rapports excellents entre SNES et l'APMEP, à tel point d'ailleurs que le SNES sous-traite certaines questions, par exemple la formation des enseignants, à un moment, à l'APMEP, notamment parce que l'expérience des IREM est vue comme une expérience qu'il faut généraliser. Donc ça, c'est le côté positif. Donc les matheux sont déstabilisés, mais ils restent nos amis. Autre association qui pose par contre un gros problème pour le SNES, c'est la franco-ancienne. Alors la franco-ancienne, elle a tous les défauts, elle est conservatrice pour le SNES, donc ça commence mal. Elle a du mal avec l'évolution du second degré, donc ça pose encore plus de problèmes. Et les rapports sont déstabilisés lorsque Unité Action arrive à la tête du SNES, parce que Unité Action était moins liée à la franco-ancienne que la majorité précédente. Et effectivement, les rapports sont très perturbés, et le SNES attaque très souvent la franco-ancienne comme étant un facteur très clairement régressif dans le second degré. Autre association qui n'est pas vraiment l'ami du SNES à l'époque, c'est les philosophes. Là aussi, les critiques sont permanentes. Hein. Les philosophes sont vus comme conservateurs, bornés, incapables de changer. Et effectivement, le SNES ne se prive pas pour critiquer celle-ci. Autre type d'association que le SNES veut défendre, et là on va rejoindre la question de la technologie au collège, ce sont les associations un peu marginales, en termes d'effectifs, que le SNES veut défendre. Et celles-ci, donc, sont appelées à devenir des partenaires importants. On peut citer donc les sciences domestiques, qui sont proches du SNES, la musique, donc la PMU, qui est considérée comme étant aussi une association qu'il faut promouvoir, et enfin la technologie, donc l'ANPEM, plus tard, qui est considérée comme étant une association amie. Dernier type d'association, qui sont celles que le SNES considère comme étant alliées, ce sont les associations qualifiées de dynamiques dans le second degré. Et c'est assez intéressant parce que ça peut étonner de la part du syndicat. Ce sont des associations qui ont la spécificité de porter plusieurs disciplines. Donc le SNES à l'époque n'était pas hostile à la multivalence. Je dis ça comme ça parce que dans les débats actuels, c'est toujours intéressant de savoir que le SNES a changé. D'une part, l'ABSES, donc les SES, la PBG, donc les anciens naturalistes, et la SPHG, donc historien et géographe. Donc effectivement, on voit que la galaxie autour du SNES change à partir donc, des années 60 et se structure de manière très fragmentée. Alors, ensuite, le rapprochement donc autour d'un grand second degré. Alors, ce rapprochement, il est lié en fait à plusieurs facteurs. Premier facteur, la majorité au sein du SNES s'installe fortement et effectivement, à partir du début des années 70, Unité Action est très majoritaire au sein du SNES et donc, en fin de compte, ne se sent plus contesté sa domination au sein du SNES. Deuxième élément fondamental qui est lié là aussi au contexte syndical, c'est l'émergence de projets syndicaux concurrents au sein de la FEN. Donc d'une part, le premier en date, l'école fondamentale, qui a pour conséquence immédiate de centrer la question sur le collège et la formation des enseignants. Et pour le dire assez clairement, le projet du SNES qui veut une école moyenne, donc un collège spécifique et des enseignants monovalents formés à l'université, rejoint grosso modo la culture majoritaire des associations de spécialistes. Et de ce point de vue-là, le projet d'école progressive du SNES offre un champ en quelque sorte commun de discussion et d'alliance avec les spécialistes. Alors cela se traduit notamment dans l'action syndicale par un rapprochement revendiqué avec les associations de spécialistes qui se traduit donc dès le rapport d'activité de 73 par une recherche de convergence et un événement extrêmement important en 74, les états généraux pour la démocratisation du second degré qui est organisé à la fois par le SNES et les associations de spécialistes et celles-ci effectivement donc sont invitées très largement et la plupart donc participent à l'événement qui est un tournant en quelque sorte symbolique et militaire des rapports entre les deux, renforçant des alliances qui existaient par ailleurs et renforçant donc les actions communes. Alors, ce que l'on peut souligner, c'est qu'il y a par la suite une série d'actions communes. Alors, j'ai pris un exemple, c'est la charte des langues vivantes qui date de 79, qui est liée au fait à une déclaration du secrétaire d'État à l'éducation Jacques Pélissier, Antoine Pro me corrigera si je me trompe sur le nom, qui donc avait fait une déclaration à Strasbourg qui avait choqué les enseignants de lettres. Et quelques mois plus tard, le SNES et une série d'associations de langues vivantes s'allient sur une plateforme commune. C'est très nouveau pour le SNES, qui s'appelle la Charte des langues vivantes, qui est un projet en matière de langues vivantes commun à la fois aux syndicats et aux spécialistes. Et cette charte devient en quelque sorte un agenda, pour parler comme en sciences politiques, un agenda éducatif qui est mobilisé auprès des pouvoirs publics, auprès des décideurs, pour défendre une position commune, donc à la fois pédagogique, spécialiste et syndicale. Alors ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un autre facteur, c'est l'innervation. Au sein du SNES, il y a deux personnes qui vont jouer le rôle de passeur entre spécialistes et syndicats. Il va avoir Annette Krakowski, agrégé de sciences naturelles à Paris qui fait le lien avec les spécialistes de sciences, et Jean Chaubard, agrégé de lettres, me semble-t-il, lui aussi à Paris, qui fait le lien avec les spécialistes de lettres. Donc effectivement, il y a une spécialisation de ce point de vue-là, et d'autre part, il y a une innervation en sens contraire. Les membres des associations de spécialistes se retrouvent dans un syndicat. Par exemple, en 78, François Blin, qui est le dirigeant des physiciens, me semble-t-il, et Marie-Thérèse Drouillon, qui est à l'APAG, qui devient IPR après, plus tard, mais à l'époque, elle est prof de classe prépa, se retrouve sur la liste du SNES pour les commissions administratives paritaires pour les tiers supérieurs. Donc on voit que le point de contact entre SNES et spécialistes passe notamment par le rôle des enseignants en classe préparatoire. Alors, troisième partie, les années 80. Les années 80, c'est un peu complexe parce que les deux champs, spécialistes et syndicats, sont déstabilisés par ce qu'on a appelé la fin des militants, ou du moins la décrue des effectifs militants. Alors, j'ai pris le cadre global de la FEN, donc la fédération dans laquelle s'inscrit le SNES. On voit une chute des effectifs très nette en matière de proportion. Alors, le SNES a une évolution qui est un peu différente pour une raison, en fait, structurelle de politique de recrutement éducatif. Les effectifs d'enseignants du second degré augmentent fortement dans les années 80. C'est la conséquence de la démocratisation impulsée notamment par Alain Savary. Et la conséquence, c'est que le champ de syndicalisation du SNES fait que ces effectifs continue à progresser, ou du moins stagne. Donc effectivement, il n'y a pas de baisse des effectifs, ce qui est un peu spécifique, mais en proportion, il baisse au sein du corps. Cela touche aussi les organisations de spécialistes, et effectivement, donc, elles sont déstabilisées par l'évolution des effectifs. Alors, deuxième évolution, l'école fondamentale s'éloigne, donc effectivement le danger d'une école commune pour le SNES s'entend, s'éloigne, donc n'est plus d'actualité dans les années 80. Effectivement, donc le front commun, entre guillemets, s'effrite. Alors la conséquence, c'est que le SNES va chercher à s'installer, enfin du moins à se réinstaller sur les questions pédagogiques. Et de ce point de vue, il y a deux militants qui vont jouer un rôle important, c'est Denis Paget et Louis Weber, donc ils deviennent des militants importants au sein du SNES à l'époque. Et les deux sont partisans, en quelque sorte, de renforcer la réflexion pédagogique et en matière de contenu du SNES. Alors, on voit notamment le compte-rendu du Bureau national du SNES de octobre 1979, qui indique clairement que le SNES donc, veut organiser une action en matière de discipline. Et donc, continuant dans le compte-rendu, le SNES souhaite organiser aussi des groupes de discipline. Donc, à ce moment, émerge l'idée qu'effectivement, il faut organiser des groupes de militants spécialisés par discipline, ce qui, en quelque sorte, est une forme de concurrence, même si le SNES dit que ce n'est pas de la concurrence avec les spécialistes, mais de facto, ça l'est un peu. Deuxième tournant qui est extrêmement important, dans les années 80, le SNES met l'accent sur la vie scolaire. C'est quelque chose qui a été peut-être un peu mis de côté, mais le SNES, qui regroupe aussi des personnels de vie scolaire, AE, CPE, COPSI, veut mettre l'accent sur les disciplines non spécifiquement enseignantes pour, en quelque sorte, poser la question des spécialités de vie scolaire, et les assises de la vie scolaire de 82 marquent donc une seconde inflexion de ce point de vue. Donc, je cite là un article de Louis Weber qui dit très clairement, donc le SNES a choisi donc de se tourner vers la pédagogie. Il ne s'agit absolument pas de concurrence, nous respectons les spécialistes, bien évidemment, nous ne marchons pas sur les plates-bandes, mais tout de même, les spécialistes sont un peu bornés, et donc il faut savoir dépasser les frontières étroites des spécialistes. Et donc on revient, vous le voyez, à une critique qui avait lieu donc après 68. Donc on retrouve en quelque sorte une critique qui avait disparu durant les années 70, elle réapparaît de manière beaucoup plus modérée, mais elle existe encore au sein du SNES. Le SNES est capable de créer une cohérence du second degré. Alors, la conséquence pour le SNES, et je vais en finir par là, pour tenir le temps, c'est plusieurs tentatives, au fait, de formaliser un secteur contenu pédagogique en son sein. Alors, la première tentative, c'est la revue Degré, qui est née en 84, et qui est la première revue consacrée aux questions pédagogiques de contenu, de discipline au sein du SNES, qui est très nouveau, parce que jusque-là, l'université syndicaliste évitait globalement de prendre position en matière de contenu de discipline. La revue Degré, elle n'est pas tenue par des militants nationaux, donc du S4, elle est tenue par Patrick Rayou, qui est un militant de S3, et effectivement, ce n'est pas neutre, donc le SNES lance un ballon d'essai, et comme souvent, on faire en sorte que l'organisation soit pas trop touchée par cela. Alors la revue Degré est un échec très rapide puisqu'au bout de un an elle ferme, donc il y a un vrai échec. Et le SNES donc se réoriente par la suite sur un syndicalisme de service. Et quelques années après, en 87, le SNES crée une structure associative. Donc, elle est à l'initiative qui s'appelle ADAPT, qui est une reprise de l'expérience de Degré, mais là qui est tournée vers la production de matériel pédagogique directement utilisable. Donc, typiquement des colloques sur des questions d'enseignement, du matériel qu'on peut utiliser quasiment en cours. Et effectivement, on change de paradigme, on passe à un paradigme que Michel Dreyfus et André Robert ont qualifié de syndicalisme à base multiple. Donc, d'une part avec un projet pédagogique et d'autre part avec des aspects de service, hein, bien compris, qui visent à fidéliser. Je n'ose pas dire une clientèle, ça ne ferait pas plaisir au SNES, mais en tout cas un public proche. Et effectivement, l'expérience ADAPT, elle continue à exister parce qu'elle a un succès réel et elle répond effectivement à une véritable demande militante. Alors, j'ai été trop long et j'en finis. En trois points. On peut souligner d'une part que... il y a un caractère variable des rapports entre SNES et spécialistes. On voit qu'effectivement, selon la période, hein, les rapports ont fluctué entre une alliance organique intégrée et des moments soit de désunion, soit d'indifférence teintée de concurrence. Deuxième élément, sur le moyen terme, donc sur plusieurs décennies, on voit qu'il y a une relative stabilité des rapports. Et plusieurs exposés ont travaillé sur plusieurs décennies. On voit que sur le long terme, les rapports entre SNES et spécialistes, on l'a vu pour le début du XXe siècle, sont relativement sales parce qu'elles sont liées effectivement à une logique commune, identitaire, hein, donc qui a déjà été expliquée. Dernier élément, le SNES et les spécialistes ne varient pas sur la conception du métier. Ça, c'est assez important. De part en part, le SNES et les spécialistes, et c'est une base clé de leur rapport, considèrent tous deux que l'identité disciplinaire est le fondement de leur relation. Et de ce point de vue-là, la clé du succès des rapports entre SNES et spécialistes est très clairement liée à cette logique identitaire. Donc effectivement, l'identité du second degré prime dans les rapports entre les uns et les autres. Je vous remercie. Merci beaucoup également pour la précision et la concision du propos. Voilà, maintenant, donc, je passe la parole aux deux autres intervenants, Aurélie Liobet et Igor Martinache. Donc, à deux voix, mais pas 40 minutes, 20 minutes toujours. Alors, bonjour et merci aux organisateurs, justement, pour cette réflexion pluridisciplinaire qui nous permet à nous, politistes aussi, de réfléchir voilà, sur ces questions de militantisme enseignant. Alors, le militantisme enseignant au sein de l'institution scolaire, on l'a vu, hein, voilà, se divise entre syndicats et associations. Ce sont deux types de structures qui accompagnent l'exercice ordinaire du métier. Alors, certes, selon des logiques organisationnelles différentes, avec des questions effectivement de clos à préserver, un jeu de frontières un petit peu compliqué parfois à tenir, puisque les questions sur les conditions de travail et sur le contenu de l'activité professionnelle peuvent parfois se recouper. Alors évidemment, ça, ce sont des dimensions qui nous ont intéressés, mais aujourd'hui qu'on va laisser de côté, on voulait vous proposer une réflexion à partir des individus justement. Donc les syndicats et les associations étant fortement, étant proches des enseignants dans leur exercice quotidien du métier, on voulait justement ouvrir à partir de deux terrains d'enquête différents, une réflexion sur les rapports ordinaires entretenus par les enseignants aux syndicats et aux associations professionnelles, et voir justement comment les deux s'articulent ou pas, parfois se concurrencent dans les manières d'investir les deux causes ou de pas les investir justement. Voilà, alors juste deux éléments de contexte. Donc on a deux terrains d'enquête différents. Donc moi j'ai fait une thèse sur l'engagement des enseignants du secondaire, donc à savoir un travail sur l'engagement dans le métier et les effets de la recomposition du métier sur le rapport entretenu à l'action collective. Et Igor a davantage travaillé dans le cadre d'une enquête collective sur l'engagement au sein de l'APSES, donc l'Association des professeurs de sciences économiques et sociales. Donc avec ce matériel qualitatif relativement dense, on a essayé un peu de confronter nos résultats et de vous proposer des conclusions communes. Donc Voilà, ce qui fait lien et sens entre nos deux résultats, c'est à savoir cette notion d'engagement et essayer de comprendre justement cette notion d'engagement, le sens qu'elle pouvait recouvrir pour des enseignants. On a souvent effectivement des travaux sur les militants, et là on l'a vu avec les noyaux militants dont on parlait ce matin. Donc l'idée était un peu d'élargir la chose aujourd'hui et de prendre en compte aussi ceux qui ont des rapports plus ordinaires aux associations et aux syndicats. Donc on va vous proposer 5 idéotypes, alors qui sont largement ouverts à la discussion, qu'il faudrait affiner par des enquêtes statistiques, etc., mais qui permettent en tout cas de montrer que le rapport des enseignants aux syndicats et aux associations peut prendre des postures très diverses, qui peut passer de la simple adhésion à une activité très intense, éventuellement à la non-adhésion ou à des prises de distance à un moment donné. Mais l'idée, voilà, est aujourd'hui de travailler sur cette articulation entre les deux et de vous exposer quelques grands rapports entretenus par les enseignants du secondaire au syndicalisme et aux associations professionnelles. Voilà, donc je vais laisser la parole à Igor et puis je la reprendrai un petit peu plus tard. Alors, puisqu'on s'inscrit dans une perspective historique, il y a également un point qui est important pour prolonger l'introduction à préciser, c'est que de nos enquêtes, encore une fois, qui sont essentiellement ethnographiques, on a relevé le fait que la variable d'âge ou de génération plus exactement n'était pas forcément significative. C'est-à-dire que finalement, les idéotypes qu'on va vous proposer et les rapports qui sont différents ne nous ont pas apparu d'abord déterminés par le moment de la socialisation et l'âge, l'expérience des enquêtés. Donc c'était une précision importante à donner. Alors le premier idéal type qu'on a relevé, c'est celui qu'on a qualifié de double casquette, à savoir des enseignants qui étaient engagés fortement à la fois dans leur association de spécialistes et dans un syndicat qui peut être de nature variée. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour ces enquêtés-là, loin de s'exclure forcément ou de se concurrencer, ces investissements qui sont évidemment des investissements temporels, des investissements identitaires et des investissements militants, au contraire, se complètent, se combinent relativement naturellement. C'est un terme qui est très souvent revenu dans leurs propos. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois ils se confondent, c'est-à-dire qu'y compris des enseignants qui sont très investis dans leur syndicat et leur association de spécialistes ne font pas, ou en tout cas font mine de ne pas percevoir le découpage en termes de territoire de chacun, les prérogatives de chacun de ces deux types de groupements, à savoir que les mêmes vont finalement justifier leur double engagement par le fait que, je ne cite pas précisément, mais en gros, l'association de spécialistes ne s'occupe pas assez des problèmes de conditions de travail ou serait trop corporative, et au contraire, les syndicats, eux, auraient tendance à ne pas assez s'occuper des spécificités de disciplines et des questions de pédagogie. Donc on voit que, encore une fois, est-ce que c'est conscient ou pas, mais qu'il y a une sorte de confusion, y compris chez des personnes qui sont très familières de ces types d'organisations. Alors un autre résultat qui est intéressant, c'est évidemment la question de la socialisation professionnelle et qu'est-ce qui fait finalement qu'on va s'investir intensément dans ce type d'organisation. Donc là encore, quelque chose qui est paru, qui nous a relativement surpris et intéressé, c'est le fait que ces personnes très fortement engagées donc dans l'une et dans l'autre de ces organisations ne sont pas forcément porteuses d'une socialisation politique antérieure, primaire, forte, c'est-à-dire que dans leur enfance, ils n'ont pas eu de parents forcément ou d'expérience de socialisation politique, mais sont venus pratiquement à l'engagement par l'enseignement. Donc finalement, la socialisation professionnelle nous a apparu importante, et en particulier finalement le rôle de la sociabilité dans l'entrée dans le métier, c'est-à-dire que pour beaucoup, finalement, Quand on les interrogeait sur le pourquoi de l'engagement associatif ou syndical, on a souvent le récit de rencontres avec un collègue ou un formateur d'IUFM qui a pu les aider ou qui leur est apparu comme un modèle professionnel et qui était lui-même engagé syndicalement et ou dans l'association disciplinaire. Donc ça, c'est un facteur intéressant et, encore une fois, qui ne se limite pas en sociologie, à l'actualisation de dispositions antérieures. En tout cas, évidemment, ça mérite des analyses qui sont plus fines et il faudrait raffiner, mais on voit que la socialisation politique antérieure n'est pas une nécessité en tous les cas. Donc, alors, comment ensuite rend-il compte de ce double investissement? Donc, comme je le disais, on a une justification qui vient d'une part du fait que l'activité de l'association ou l'activité du syndicat est trop limitée et ne traite pas l'ensemble des questions ayant trait à l'exercice professionnel. Donc on a quelque part le prolongement d'un investissement professionnel, cette idée que finalement l'engagement dans ces groupements vient prolonger, c'est une sorte de prolongement naturel du métier d'enseignant. Et non seulement c'est un prolongement, mais c'est aussi une manière d'affirmer pour beaucoup, et notamment cette fois en particulier ceux qui ont une socialisation politique antérieure, une conception collective du travail enseignant. Cette idée que voilà, c'est pas un travail individuel, puisque comme l'ont montré beaucoup d'études sur le sujet, paradoxalement ou contrairement à une idée qu'on pourrait avoir, le travail enseignant est en tout cas aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, une pratique très individuelle dans laquelle on se retrouve dans des difficultés individuelles où finalement on est seul face à sa classe et les collectifs sont tout sauf évidents. Donc là, c'est une manière d'affirmer et de dire on a chez ces enseignants, dans les mêmes entretiens, une justification, l'idée, moi je travaille beaucoup avec mes collègues, on prépare des séquences de cours ensemble, des devoirs, ce qui peut paraître anodin mais qui revient de manière très fréquente. Et voilà, c'est finalement cette multi-adhésion est aussi une manière d'affirmer ce caractère collectif finalement du travail enseignant, cette volonté de le promouvoir. Avec des évidences particulières également, qui sont par exemple des affirmations qui peuvent paraître étonnantes, comme « moi j'ai toujours été syndicaliste, donc j'ai toujours eu de bonnes relations avec mes collègues ». Voilà un lien logique qui ne paraît pas forcément logique pour tout le monde, mais qui là est revenu aussi à plusieurs reprises dans nos entretiens. Et enfin, dernière chose, parmi ces multi-adhérents, entre guillemets, il ne faudrait pas, malgré cette affirmation d'une nécessité, enfin d'une fausse naturalisation, enfin d'une naturalisation de voilà, c'est naturel que je sois à la fois dans mon association de spécialistes et dans mon syndicat, on voit qu'en même temps, il y a là toujours la volonté de se détacher ou de retourner un stigmate lié au corporatisme. C'est-à-dire que non, je ne suis pas corporatiste parce que je suis engagé dans mon syndicat ou parce que je suis engagé dans mon association de spécialistes. Et voilà, un besoin de se justifier vis-à-vis de ça. Donc quelque part, l'engagement syndical, c'est une manière de dire, voilà, regardez, je ne suis pas corporatiste dans le sens où je ne suis pas que attaché à ma discipline. Et réciproquement, l'engagement dans l'association disciplinaire peut être une manière de rejeter le stigmate. Regardez, je suis ouvert puisque dans mon association disciplinaire, il y a des membres d'autres syndicats, du SGEN si je suis au SNES, du SNES si je suis au SGEN, etc. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui était intéressant. Alors ça ne veut pas dire non plus que dans cette multi-adhésion, voilà, on n'a pas de concurrence entre les deux formes d'engagement, et on vient aussi, on voit au fil des entretiens se créer des tensions, dire voilà, moi je privilégie quand même un engagement par rapport à l'autre, ce qui nous montre bien que quand même on a une hiérarchisation implicite qui va de temps en temps se donner à entendre quand on prolonge l'entretien, et qui nous fait arriver à notre deuxième idéal type, qui est ce qu'on a qualifié d'exclusif, c'est-à-dire cette fois des enseignants qui au contraire considèrent qu'un engagement est complètement exclusif par rapport à l'autre, c'est-à-dire pour eux il est tout aussi naturel que puisque je suis engagé dans un syndicat, je ne peux pas être dans mon association de spécialistes et réciproquement. Avec en revanche là ce qui est intéressant, c'est encore une fois de casser la fausse homogénéité que peut donner l'affirmation de cette catégorie, à savoir qu'on a des raisons très différentes qui vont finalement être invoquées pour justifier de cette exclusivité. Donc évidemment, tout d'abord, la question du manque de temps. Donc là encore, il y a une hiérarchie, c'est-à-dire que dans l'idéal, moi je m'investirais bien dans l'association de spécialistes, mais je n'ai pas le temps, il faut bien consacrer... j'ai fait un choix. Et avec souvent aussi ce manque de temps, c'est aussi tout simplement un manque de temps sur les positions de l'association spécialiste, c'est-à-dire que, enfin, et réciproquement évidemment, c'est-à-dire que quand on interroge finalement ces gens qui sont très engagés dans leur association de spécialistes ou dans leur syndicat, finalement ils vous disent, et qu'on les interroge sur ce que fait donc réciproquement soit le syndicat, soit l'association de spécialistes, ils sont très peu au courant. Ils nous disent, finalement, j'ai pas le temps de m'intéresser non plus à ces positions. Donc, vous voyez, un engagement par défaut d'information, finalement. Ensuite, donc deuxième chose, je le disais, là aussi on voit revenir ce rejet du corporatisme. Donc là, ce qui est intéressant, c'est l'accusation symétrique qu'on va voir peser. Donc le syndicat est trop corporatiste, ou alors c'est l'association de spécialistes, selon les cas, évidemment, qui est jugée trop corporatiste. Troisième point, c'est un désaccord avec la position, en particulier là pour l'association de spécialistes, puisque contrairement au syndicat, là, on a, dans pas toutes les disciplines, mais dans la plupart, une sorte de monopole qui existe de l'association de spécialistes. Donc là, on s'affirme en désaccord vis-à-vis de ces positions. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que, au-delà donc des justifications qui sont invoquées, on a des justifications symétriques, c'est-à-dire soit on va accuser l'association de spécialistes d'être trop politisée, ou au contraire de ne pas l'être suffisamment, de ne pas être suffisamment mobilisé, de ne pas, soit on va reprocher un certain catastrophisme, une action finalement, un activisme trop important par rapport aux menaces qu'on estime réelles ou aux enjeux qu'on estime devoir être défendus, ou au contraire, on va dire que voilà, eagle, pour citer un enquêté, mais finalement, au bout du compte, ils ne font rien et ils se rangent aux réformes qui seront adoptées. Donc voilà, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en particulier, c'est un certain rapport à l'exagération, au catastrophisme aussi qui est porté par le discours des associations, de certaines associations de spécialistes, en l'occurrence l'APSES, qui, vous savez, qui fait partie, comme l'Histoire Géographie, enfin les SES, sont relativement menacées ou remises en cause, en tout cas dans leur fondement. Et donc là, on a justement une justification du fait de ne pas adhérer et de ne pas s'engager dans ces associations-là par le catastrophisme. Et là, on a repéré plusieurs rejets du catastrophisme, c'est-à-dire un rejet du catastrophisme qui semble, de la part des jeunes enseignants, de ceux qui viennent de rentrer dans le métier, des néo-titulaires ou même des stagiaires, qui en fait, on a l'impression que ce catastrophisme n'est pas audible, l'idée que la discipline est menacée pourrait ne pas exister, puisqu'on est là, on a signé pour plus de 30 ans, on peut pas souscrire. Finalement, il y a une impossibilité cognitive à souscrire à ce catastrophisme. À l'inverse, il y a le syndrome de celui qui crie au loup, c'est-à-dire des enseignants, là, pour le coup, généralement plus expérimentés, qui nous disent, voilà, ça fait 30 ans que je fais ce métier, ça fait 30 ans que la discipline doit disparaître, donc je n'y adhère pas forcément. Mais cela dit, ça n'empêche pas ces gens-là d'être adhérents dans l'association de spécialistes, soit dit en passant. Je vous fais remarquer qu'il vous reste trois idéotypes à exposer et une conclusion. Et je laisse la parole à Aurélie pour le troisième. À peine 8 minutes. Alors, au-delà de cette minorité active qui est finalement relativement restreinte en termes de militants, on a tout le reste du corps enseignant qui n'est pas forcément investi, pas forcément engagé, mais qui entretient néanmoins des rapports aux syndicats et aux associations, ce qui montre déjà que le monde enseignant est quadrillé, encadré, et que finalement tout le monde connaît les syndicats et les associations. Alors trois positions qui ont pu être observées, alors en réaction au syndicalisme de service, des réactions d'utilitarisme qui font écho finalement aux politiques des syndicats, et qui sont relativement communes à un certain nombre d'enseignants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'utilitarisme n'est pas verbalisé de la même manière par rapport aux syndicats ou par rapport aux associations. Clairement, les enseignants du secondaire, enfin dans les entretiens, affirment et assument davantage ce rapport plus instrumental à l'offre de services proposée par les syndicats, et s'appuient et se servent des syndicats comme ressources dans l'accompagnement et la gestion de carrière. Je ne vais pas rentrer dans le détail des rapports entretenus et des logiques, ce qui est le cas dans le papier, mais on peut s'en passer. Par contre, du côté associatif, les enseignants ne le verbalisent pas de la sorte, même si, par ailleurs, les pratiques peuvent être similaires, à savoir se servir des associations professionnelles comme des ressources dans la construction d'un cours, et le fait d'aller y chercher des ressources pédagogiques. Alors, si c'est pas verbalisé de la même manière, c'est certainement lié à la différence, au monopole qu'ont les syndicats sur ces gestions de carrière, alors que les associations de spécialistes ne sont pas les seules à proposer des données aux enseignants pour justement gérer leurs cours et construire leur activité professionnelle. Voilà. Alors, sur l'utilitarisme, il est quand même pas nouveau. Déjà, dans les années 70, les travaux de Jean-Michel Chabouli permettent établissent déjà ce rapport instrumental au syndicat. Faut pas être trop tranché sur les nouveaux enseignants et les anciens qui étaient plus engagés, plus militants. On avait déjà ces pratiques et ce rapport instrumental en cours dans les années 70. Peut-être aujourd'hui est-il plus assumé dans la justification de la syndicalisation, et encore j'en suis pas tout à fait sûre. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on a pu observer de nos rapports, de nos enquêtes communes, c'est qu'un gros tiers des enseignants se tient à distance de toute forme de rassemblement. Alors, on les a appelés les sceptiques. Alors les raisons peuvent être multiples. Donc un certain nombre d'enseignants ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas investis dans leur métier, mais ont une certaine aversion, expriment une certaine aversion envers les syndicats et envers les associations professionnelles. Alors, bien souvent, quand on fait des analyses de trajectoire, on voit que les explications sont à chercher dans les logiques de l'accès au métier et, dans la socialisation primaire, notamment chez de plus jeunes enseignants qui viennent de milieux sociaux plus élevés que sur d'autres générations et qui, du coup, accèdent à la profession avec d'autres représentations et sont plus, justement, avec un discours un petit peu plus critique, ou d'autres enseignants qui arrivent suite à un léger déclassement, par exemple, dans le papier, j'utilisais le cas d'un docteur en littérature qui faute de poste dans le supérieur est allé enseigner dans le secondaire et du coup se tient à distance du groupe en fait et investit dans son activité professionnelle mais marque une forme de distinction envers le groupe et les formes d'action collective, que celle-ci soit associative ou syndicale. Voilà, donc ces distanciers sont intéressants à étudier justement, et effectivement les explications tiennent souvent sur les logiques de l'accès au métier et les effets de la socialisation primaire sur leur rapport aux politiques, mais ça il faudrait faire une analyse de trajectoire plus précise pour et détaillée, ce que je ne vais pas faire, et je vous laisse la parole à Igor pour la dernière catégorie, donc les auto-déshabilités. Alors, il ne faudrait pas penser justement que des enseignants qui ne seraient que l'adhésion serait forcément un signe univoque à interpréter donc aux associations de spécialistes ou aux syndicats, et en particulier donc déjà le fait d'être adhérent n'est pas signe d'engagement nécessairement. J'ai pas le temps de développer, mais je pense que vous voyez l'idée. Et puis enfin que il ne faut pas penser pour autant que le fait de n'être adhérent ni à un syndicat ni à une association de spécialistes serait un signe de désengagement vis-à-vis de son métier, de désintérêt ou d'indifférence. Bien au contraire, donc à côté de ces sceptiques, on a distingué vraiment une autre catégorie qu'on a qualifiée d'auto-déshabilité, pour reprendre une notion en sciences politiques qui a été forgée par Daniel Gaxi, donc à propos de l'abstention électorale des citoyens, de certains citoyens de milieux populaires, à savoir que ce n'est pas un désintérêt, une indifférence vis-à-vis du jeu politique, donc ici vis-à-vis de son métier et des enjeux qui l'entourent, plus collectifs qui l'entourent, mais au contraire une sorte de sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable de formuler un avis et de pouvoir s'engager. Donc on a ressenti ça chez certains de nos enquêtés, y compris parfois même des agrégés, donc c'est pas forcément non plus une question simplement de capitaux scolaires, mais qui nous disent finalement ils n'arrivent pas à se forger d'avis sur la question. Quand on creuse un peu, évidemment ça ne vient pas immédiatement au fil des entretiens, c'est-à-dire qu'on peut avoir au départ une posture de rejet qui est affirmée, et puis on creuse en disant finalement j'ai pas d'avis, j'arrive pas à me donner une opinion, voire parfois aussi même un sentiment de simplement de ne pas un désir contrarié d'appartenance à un corps enseignant qui est presque mythifié, c'est-à-dire certains de nos enquêtés, notamment d'origine populaire, qui nous disent par exemple, j'ai le cas d'un des enquêtés qui est un fils de cheminot, qui dit que son père a un métier à statut, il en est très fier, il a hérité quelque part de cette fierté du statut, et qui en même temps donc lui-même est enseignant, a obtenu le CAPES non sans difficulté, mais qui a l'impression de ne jamais totalement en être, et qui dit des phrases très fortes comme j'ai l'impression d'être dans un milieu d'héritier, et finalement il faut être né prof et dans une famille de profs pour être réellement prof à part entière, et donc qui se déclare en sympathie très favorable aux positions à la fois d'un certain syndicat et de son association de spécialistes, mais qui semble exprimer une incapacité à adhérer, un sentiment d'être exclu, mais qui en fait il produit seul. Donc voilà, tout ça pour dire que justement il ne faut pas prendre cette adhésion, le fait de détenir sa carte, évidemment, comme un signe nécessairement pertinent de l'engagement dans ce métier, de ce rapport à l'identité professionnelle, mais qu'on voit bien, et ce qu'on a voulu montrer par rapport en vous présentant finalement ces idéotypes qui, comme vous le voyez, sont eux-mêmes très loin d'être homogènes, proposer simplement un rapport plus complexe et une vision plus complexe vis-à-vis de l'engagement subjectif dans le métier, qui, en particulier dans le rapport aux structures collectives qui encadrent et qui accompagnent de manière différente et évolutive cette pratique du métier. Merci beaucoup. Aussi tout à fait dans les temps, merci. Donc nous passons à la phase questions. Nous avons environ une quarantaine de minutes pour cela. Et donc la parole est à qui veut la prendre. vont peut-être fonctionner par salve de questions, comme nous avons fait ce matin. Et donc, peut-être 3-4 questions d'abord, qui souhaitent intervenir. Laurent Fragerman. Merci. Une remarque, enfin des questions, enfin. Bon, comment dire, sur ce, je trouve vraiment que entre le problème des historiens, c'est souvent on travaille sur une période et notre souci, c'est après en même temps d'avoir un œil quand même sur ce qui s'est passé avant et sur ce qui se passe après. Et je trouve qu'on voit bien la continuité parce que avec ce qu'a dit Yves, on voit très clairement quelque chose de structurel sur tout le siècle dans les rapports entre le SNES et les associations de spécialistes. Et moi-même, ce que j'ai étudié sur les années 50, quand il y a une tentative à nouveau de faire une conférence, un regroupement d'associations de spécialistes, le SNES s'y oppose. Et il s'y oppose sur l'idée, très clairement, vous faites concurrence au syndicat. On voit quand même des évolutions, j'ai trouvé ça intéressant, que finalement, à la fin, c'est le syndicat qui fait concurrence. Mais on voit que, en même temps, ces évolutions, enfin, on pourrait faire des lignes de fluctuation, parce que c'est une tentation permanente. Alors, juste sur ma période, ça peut illustrer, parce qu'en fait, ma question pour vous, Ferhat, c'est finalement, comment expliquer ce durcissement, cette radicalisation du discours des années 70? Parce que c'est pas évident du point de vue d'Unité Action, ce discours. Donc, vous l'avez rappelé, en 67, Unité Action prend la direction du SNES. Mais, par exemple, le premier secrétaire général de Unité Action du SNES, Drubet, c'est quelqu'un qui s'occupait des questions pédagogiques au SNES avant, y compris avec la majorité autonome, et qui est porteur d'un discours qui n'est pas aussi radical que ce qu'on voit par la suite. C'est pas quelqu'un... Voilà. De même, il m'avait expliqué, Drubet, que Maurice Lacroix, donc grande figure de la franco-ancienne, avait voté Unité Action à la fin. C'était... Bon, moi, je vais pas vérifier cette information. Une des premières catégories qui bascule au sein du SNES en faveur d'Unité Action, c'est celle des agrégés. Voilà, donc il faut se méfier, parce que moi, au tout début, j'avais une interprétation simple, hein, les dominés prennent la conquête du syndicat, c'est pas ça. Voilà, donc, on a une radicalisation, c'est une période aussi de discours très marxiste, années 70. Moi, mon hypothèse, mais je vais pas travailler là-dessus, c'est que c'est quand même vraiment mai 68. Voilà, je voulais savoir ce que t'en pensais. Je passe à une petite remarque sur, parce que c'est ce qui avait été dit hier, sur l'association LANPEM, hein, que vous avez évoqué, madame, hier, sur la technologie. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est... quand même, le SNES en 67, c'est la fusion, je le dis pour ceux qui connaissent mal, entre le SNES classique et moderne et le SNET, le syndicat d'enseignement technologique, dans une période de changement, un peu de démocratisation, de changement des structures. Et il y a cette culture du technique très forte. Et les anciens du SNET dans le SNES, dans toutes les années 70 et 80, ils sont d'abord des gens du technique. Et c'est là où, après, voir les acteurs en personne, c'est très important pour l'historien contemporanéiste. C'est que, bon, Antoine Pro y a assisté encore plus que moi. Voir Étienne Camille Perret, à la fin de sa vie, dans les réunions d'un séminaire qui regroupait chercheurs et historiens, la première chose qui l'intéressait, il se positionnait toujours d'abord comme enseignant du technique. Voilà. Et ça, donc, c'est tout le problème après de quelle identité on choisit. Donc, il y a cette identité des gens du technique qui existe encore. Hein, il y a encore dans le SNES aujourd'hui, il y a une filière qui existe toujours. Bon, juste une petite remarque méthodologique. Je ne veux pas être long. Je ne suis pas complètement convaincu par le terme syndicalisme de service. Je pense que c'est une dimension, mais ADAPT vend des livres. Donc, c'est pas en adhérant au SNES, on n'a pas son livre. Et je ne pense pas que ce soit pour avoir ses livres qu'on va adhérer au SNES. De la même manière. Pour le rôle dans la carrière, c'est complètement syndical. C'est pas un service. Le service, c'est plutôt quand même, on a une mutuelle en plus, on a une couverture, on a un avantage. Bon, j'aurais envie de discuter, mais c'est un détail. Juste une remarque pour votre travail, très intéressant. Moi, à l'Institut de la FSU, où je suis, je vois des gens encore, on voit bien une filière SES. On voit, parce que c'est tout le problème, hein, dans les deux sens. Il y a la filière et la filière abscess. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont, bon, c'est classique, hein, bon, on a toute une série, hein, Gisèle Jean, etc., et Christian Laval, qui ne sont pas d'accord d'ailleurs pédagogiquement, mais qui sont passés un coup à l'abscess, un autre au SNES, maintenant à l'Institut de la FSU. Voilà, donc on voit bien quand même des gens qui ont joué aussi à un moment donné, ils sont en difficulté dans un syndicat, ils ont une position de repli et inversement. Et ça, ça compte beaucoup quand même, ces identités de corps existent beaucoup, je trouve. Voilà. Question, intervention qui vaut une salve. Hein, donc, on va demander de réagir et puis on prendra d'autres questions ensuite. Donc, c'est Ismaël qui a été interpellé, puis Aurélie et Igor, et éventuellement si Yves a quelque chose. Hein. Voilà. Ismaël, tu réponds ? Donc rapidement, donc, effectivement, bon, c'est vrai que je vais cela assez vite pour essayer d'être synthétique, donc parfois un peu sommaire. Il y a un autre facteur, enfin, que j'avais impliqué mais que j'ai pas eu le temps de développer, c'est la question de la réception des travaux critiques en sociologie de l'éducation. Et faut le dire assez clairement, au sein de la FEN, bon là je connais un peu mieux par contre le cadre fédéral, au sein de la FEN, ceux qui sont le plus marqués par les héritiers en 64 et la reproduction en 71 et l'école capitaliste la même année, c'est l'unité d'action. La majorité UID, pour des raisons d'attachement à une culture laïque, républicaine, jacobine, a beaucoup de mal avec Bourdieu. Il faut attendre une décennie, au fait, pour que la notion de reproduction soit reprise par la FEN. Et effectivement, le SNES en 67 traduit rapidement les travaux sociaux de l'éducation. Il y avait un article de Philippe Masson sur le sujet. Effectivement, c'est le SNES et d'ailleurs le Parti communiste dans le monde politique qui traduisent rapidement ces travaux. Donc effectivement, la critique de la discipline est aussi liée à une réflexion sur la boîte noire des pratiques pédagogiques qui est très spécifique pour le coup à une unité d'action. Et là, la majorité UID est incapable de le faire à l'époque. D'autre part, effectivement, en 68, mais ça tu sais ça mieux que moi, en 68, il y a une déperdition du SNES dans le second degré, notamment chez les agrégés. À ce moment, le syndicalisme conservateur, notamment la CNGA, donc la Confédération des groupes autonomes, émerge à des scores non négligeables dans le second degré, notamment dans la catégorie agrégée, et on remarque que la CNGA a des rapports qui sont extrêmement étroits avec les syndicats conservateurs dans l'enseignement supérieur, notamment les autonomes de droit et de lettres. On peut penser à M. Deloffre en lettres et à M. Vedel en droit. Il ne faut pas oublier que les autonomes, c'est les futurs créateurs de l'UNI. Donc il y a des liens entre droite politique et syndicale. Et ces organisations autonomes, dans second degré et dans supérieur, ont des liens étroits avec la franco-ancienne et certaines associations de lettres. Donc là, pour le coup, il y a une convergence à la fois idéologique et politique. Hein. Donc effectivement, à ce moment-là, le SNES se radicalise parce qu'une partie du public conservateur qui était au SNES, entre guillemets, quitte le SNES pour rejoindre le SNALC ou la CNGA. Donc là, il y a un basculement net. Alors, sur le syndicalisme de service, effectivement, bon, c'est pour ça que j'ai parlé de syndicalisme à base multiple. Hein, je suis resté dans une expression un peu plus française. Pour une raison juridique, c'est qu'en fait, lorsqu'on parle de syndicalisme de service à l'étranger, il y a des clauses juridiques. Le closed shop, le fait d'être syndiqué et d'avoir accès à des ressources individualisables, pour parler le jargon de la science politique, indéniablement, effectivement, en France, ça n'existe pas. Néanmoins, les syndicats enseignants, moi j'ai travaillé sur l'offre de formation syndicale entre du SNES et du SNI, on se rend compte que, quelles que soient les différences, dans les années 80, les deux réorientent leur politique de formation syndicale de manière à créer une forme de service. Mais le problème, c'est que là encore, on ne peut pas interdire à un adhérent pas très investi de le faire. Donc effectivement, les services existent, mais ils ne sont pas une condition sine qua non d'adhésion à l'organisation. Mais il y a une politique de service, donc sans qu'il y ait un syndicalisme de service. Oui, Aurélie et Igor. Sur le syndicalisme de service, je voulais également rajouter, donc je souscris tout à fait à ce qu'Ismaël a dit, que la catégorie, nous, ce qu'on a appelé les utilitaristes, c'est vraiment une affirmation et on revendique presque d'avoir adhéré syndicalement pour des informations, voire en pensant, enfin c'est aussi le rôle de la croyance, c'est-à-dire qu'effectivement on surestime beaucoup, on a certains adhérents qui surestiment l'importance du syndicat et même parfois qui s'en rendent compte dans les entretiens, qui nous disent « moi j'avais adhéré en pensant que ça serait bon pour ma carrière, puis finalement je me suis rendu compte qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour moi ». Donc voilà, c'est de ce point de vue-là que malgré tout la catégorie a une pertinence, même si effectivement il faut se méfier des dénonciations un peu trop rapides de cette catégorie. Et pour revenir sur la filière entre APSES et SNES, je souscris aussi totalement au point d'ailleurs qu'on surnommait très souvent l'APSES l'APSNES et qu'il y a une volonté de prise de distance, mais que dans les faits il y a une très grande proximité, et encore à l'heure actuelle où on a des échanges d'informations, etc. très fortes, et des militants qui sont multipositionnés entre les deux, et effectivement un certain nombre de personnes qui circulent. Et par rapport à ça, je trouve que ça éclaire bien aussi une dimension dont on parlait, c'est-à-dire la rotation des responsabilités dans un noyau, à savoir qu'on a certaines personnes, effectivement certains anciens responsables du bureau de l'APSES, qui vont se reconvertir justement dans le syndicalisme, qui vont ensuite ne pas quitter l'association, mais de prendre des responsabilités syndicales, voire à l'institut de recherche de la FSU. Donc c'est une manière de ne pas perdre son statut totalement, finalement, où on garde une certaine aura, tout en la jouant modeste, entre guillemets, dans l'association. Comélie a demandé la parole. Il y aura d'autres... De... De... demande, oui. Clément. C'est aussi pour compléter, c'est que j'ai l'impression qu'au SNES, à vous entendre, vous ne voyez pas aussi quelque chose de très important à l'intérieur du SNES, c'est l'opposition entre les S3 et le S4. Parce que autant dans les régionales, c'est pas forcément gênant pour les sessions de spécialistes, mais une opposition qui s'est, à mon avis, durcie beaucoup, beaucoup sous Monique Viala et Denis Paget, entre les S3 qui sont effectivement beaucoup corporatistes, qui clairement, eux, ont refusé, à part avec quelques exceptions, mais qui ont refusé la notion d'investissement dans la pédagogie, dans les contenus. Et quand ce que tu dis sur le technique, moi, j'ai exactement l'inverse. Au niveau national, tu as eu des représentants qui venaient du technique, en particulier Monique Viala, qui est un symbole, mais dans les S3, peut dire que les discours de déconsidération de Monique Viala, parce que, peut-être que c'était une femme aussi, mais en gros, elle venait de technique, elle n'avait pas son bac parce qu'elle était passée par la voie professionnelle, moi je l'ai trouvé extrêmement violent. Et les S3, au contraire, remettent en avant une culture, une maîtrise de l'enseignement général qui est quand même très forte. Alors sur le syndicat de service, moi je l'ai entendu, ça c'est évident qu'il y a eu un moment, il y a une dizaine d'années, où il y a des problèmes financiers de syndicalisation, je l'ai entendu quand même au plus haut niveau. Il faut aussi qu'on s'ouvre à la dimension du syndicat de service, et qui était effectivement ancienne par les mutations, tout le monde pensait être SNES permettait d'avoir une mutation, et après il y a eu un autre syndicat service, mais qui était quand même de consommation, faut être clair aussi, qui a plus ou moins marché, hein, je suis d'accord, c'est autre chose, mais qui a été assumé à un moment. Pas forcément publiquement, mais à l'intérieur de la direction, oui. Oui, donc il y a Clémence qui a demandé la parole. Le micro va arriver. Oui, j'en profite juste pour rebondir un petit peu à vos propos. Vous semblez confirmer qu'il y a bien eu, alors vous la faites passer entre S4 et S3, à voir, mais il y a bien eu un clivage dans le SNES, et notamment qui pourrait aussi expliquer l'échec de la revue pédagogique Degré entre corpo et pédago, hein, et ce clivage qui mérite sans doute d'être analysé plus finement. Et une des raisons de l'échec de cette revue à un moment où le syndicat se rapproche des questions de recherche en éducation dans des postures moins utilitaristes que par le passé. Hein. Donc ça a été étudié notamment par un chercheur dans un ouvrage que j'ai publié il y a quelques années sur le syndicalisme enseignant et la recherche. Il y a un article consacré spécialement à la revue Degré. Mais il me semble que ça converge avec ce que vous dites, Dominique. Clémence ? Oui, moi c'est une question et une remarque aussi pour établir un lien entre l'intervention d'Yves Verneuil et celle d'Ismaël Ferhat. Je crois qu'encore dans la période que vous avez étudiée, la question des positions défendues devant le Conseil de l'enseignement général et technique, et c'est quand même ça reste un lieu d'observation pertinent pour les rapports entre SNES et associations de spécialistes. Alors certes, il y a moins d'acteurs multipositionnels que dans les années 30 ou que dans les années 50 encore, mais cette position existe encore, et je pense notamment en lettres au cas d'André Hinard, qui est à la franco-ancienne, mais qui est aussi élu du SNES au Conseil de l'enseignement général et technique. Et donc là, dans ce lieu-là, on voit quand même comment se négocient de façon très subtile au cas par cas les rapports de force entre associations de spécialistes et syndicats pour la défense de certaines positions sur le latin, tronc commun, enfin latin dans le tronc commun ou pas dans le tronc commun, etc. Donc, et ça rend, alors la question c'est dans quelle mesure la typologie résiste face à l'étude de ces cas discipline par discipline qui tiennent. Et c'est une question, hein, c'est pas une attaque, c'est une question que je me pose parce que en même temps on a besoin de typologie parce qu'on y voit clair et qu'on a besoin de se détacher de ces études au cas par cas, et en même temps quand on voit le rôle dans une discipline d'une figure, André Hinard, qui est là depuis 15 ans, enfin qui est là même depuis plus de 15 ans en fait, qui est là depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, qui a été en partenariat avec Maurice Lacroix, enfin qui lui succède en un sens dans cette position à la tête de la franco-ancienne et au sein du SNES comme élu dans les conseils d'enseignement, quand on voit ce poids des individualités, là aussi on se demande dans quelle mesure la typologie réside. Donc je voulais savoir si vous aviez étudié un petit peu aussi, si vous avez eu le temps d'étudier ce lieu-là, les positions défendues, sachant que là on est obligé de rentrer dans les débats disciplinaires, ce qui est extrêmement complexe. Donc non, en fait j'ai pas eu le temps, et pour des raisons X et Y, effectivement il y a un problème d'ailleurs que tu soulevais d'ailleurs, c'est la question entre centrale et décentralisation, enfin centrale et territoriale, effectivement. Le SNES a d'ailleurs fait passer une circulaire assez intéressante dans les années 70, enfin le S4, disant il faut limiter les relations entre associations et SNES au S4. Et c'est pas neutre, à mon avis, on veut pas ouvrir la boîte de Pandore des relations locales qui auraient posé d'autres problèmes. Et effectivement, la conséquence de cela, c'est que les rapports au niveau local sont assez complexes. Donc, au niveau des S1 et des S2, peut-être qu'il y a des rapports qui sont bons, mais on ne peut pas les repérer parce qu'il n'y a pas de traces, tout simplement. Ou alors, c'est un peu complexe à établir. Alors, dans le cadre de la franco-ancienne, bien évidemment, le SNES ne va pas chasser les gens de la franco-ancienne. Ce n'est pas une fonction syndicale. Par contre, très clairement, à partir de 67, le SNES, au fait, a tendance à moins prendre en compte les positions de la franco-ancienne. C'est très net. Il y a quelques associations qui manifestement ont un agenda qui ne cadre plus avec l'action syndicale. Et de ce point de vue-là, bon, le SNES qui est un syndicat majoritaire, donc il y a aussi une position quand même de responsabilité, tout simplement, au sein du corps, ne peut pas se permettre d'être en désaccord ouvert avec ces organisations, mais d'un côté, elles ne reprennent plus leur agenda. Donc très clairement, il y a un divorce qui n'est pas un divorce humain, mais un divorce idéologique. Et là, il y a une petite nuance. Yves Verneuil. La seule chose que je voulais ajouter à l'intervention de Clément, c'est que elle met le doigt sur le fait qu'il faut insister sur les personnalités. Bon, elle a cité Maurice Lacroix, Fuinard. Mais bon, si je prends l'exemple de Maurice Lacroix, en 1930, il ne joue pas encore un rôle clé à la franco-ancienne. Au contraire, il s'investit dans le syndicat. Et il a tendance à penser, par conséquent, que le syndicat doit jouer un rôle fédérateur. Bon, 10 ans plus tard, il se trouve à la tête de la franco-ancienne et il milite à fond pour que les aspects disciplinaires priment. C'est lui qui... du coup, il devient une sorte d'électron libre au SNES, d'ailleurs, qui ne sait pas toujours très bien comment le gérer, hein, la vérité. Puisque... Non, je me trompe ? Parce que, je n'ai parlé dans un autre colloque qu'avait organisé d'ailleurs Laurent Fragerman. Il y a eu un moment où donc, il y a eu une renaissance, effectivement, du Conseil supérieur de l'éducation nationale après la libération, bon, mais parallèlement avec le statut de la fonction publique, on a créé le comité technique paritaire au niveau ministériel. Et le SNES aurait voulu que ce conseil technique remplace le conseil supérieur. Et il y en a un qui s'y oppose, c'est Maurice Lacroix. Bon. Alors il y a tout un tas de réunions qui ont lieu sous l'égide d'ailleurs du ministère, qui cherchent à concilier les points de vue. Et puis, il y a une opposition extrêmement virulente entre Lavergne et Maurice Lacroix. Mais alors, du coup, au SNES, on sait plus très bien comment prendre Maurice Lacroix, parce que d'un certain point de vue, il est membre du SNES. Bon, il est incontournable, c'est lui qui est élu, enfin, à la CAPA. Enfin, bon. Et puis, d'un autre côté, il défend une position qui est la position inverse. Donc, tout ça pour dire que, bon, c'est une banalité, mais il faut tenir compte beaucoup, je crois aussi, de la personnalité des gens. C'est pas seulement donc les structures, associations, mais il y a aussi des gens qui ont parcours, dont l'aura propre fait. Alors, je pense à Maurice Lacroix en particulier pour l'aura propre qui fait qu'on ne sait pas trop. C'est moins franco-ancienne ou SNES, c'est Maurice Lacroix et on sait. Bon, voilà. C'est ça. C'est, ouais, on sait pas toujours très bien à quel titre il parle. Donc, Renaud d'Enfer a demandé la parole. J'ai pas vu la demande d'Antoine, mais donc Renaud, Antoine, puis Patrick Allegret. Oui, en fait, c'est une question en fait qui s'adresse, je crois, à tout le monde. C'était à propos des conseils d'enseignement dont vient de parler Clémence, parce que effectivement, donc t'as parlé de cette intersection non vide en fait entre par une personnalité. À l'association des profs de maths, il y a Étienne Camille Perret, précisément, qui est au conseil d'enseignement et qui est membre de droit, en fait, du bureau ou du conseil, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, de l'association des profs de maths. Et la question que je me posais, du coup, c'était comment ça se passe dans les autres associations. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Yves, une fois que le Conseil supérieur recrute dans les syndicats et non plus dans les associations, de certaines façons, se pose la question de la représentativité des associations au moment des conseils d'enseignement, et elle ne peut se faire que par un syndicaliste qui est quand même au courant, quand on va parler de, des programmes de telle ou telle discipline, qui est quand même au courant des questions proprement disciplinaires et des discussions qui ont eu lieu à, au sein de l'association disciplinaire. Donc voilà, donc, ma question s'adresse en fait à ceux qui veulent bien répondre. Et peut-être, Ismaël, tu as une réponse aussi là-dessus. Si tu... Oui, moi aussi j'ai une question. En écoutant ces échanges, je m'interrogeais sur pourquoi y a-t-il eu une réflexion pédagogique au SGEN ? Alors que manifestement, la réflexion pédagogique est nécessairement, en quelque sorte, prise orthogonalement par les associations de spécialistes. Il y a deux réponses possibles qui ne sont pas exclusives. L'une, c'est qu'on ne s'est jamais occupé des horaires des différentes disciplines, ce qui est quand même la première question qui fâche. Peut-être que... Est-ce que ça a été volontaire ou pas ? J'en sais rien, il faudrait regarder les documents. La seconde, c'est que dans un syndicat général, la présence des gens du premier degré, des gens du supérieur, des gens qui sont moins engagés dans cette querelle d'horaire peut avoir une certaine influence. Et je trouve qu'il serait intéressant de poser la question en allant voir maintenant comment évolue le syndicat des enseignants. Parce qu'en principe, le syndicat des enseignants est un syndicat unique. Donc, on a deux positions qui sont assez différentes, parce que dans un cas, il y avait une assertion confédérale qu'il n'y a pas dans l'autre, mais deux cas qui peuvent être rapprochés, qui permettraient peut-être de tirer une conclusion. Alors moi j'aurais une question à poser à Aurélie et à Igor concernant vos cinq idéotypes là, que vous avez montrés. Donc vous avez expliqué un peu les raisons de l'engagement et comment ça se concrétisait entre associations et syndicats. Et je me demandais, alors peut-être que pour certains syndicats, l'engagement en certains syndicats ça se pose pas, mais est-ce qu'il y a une relation entre les différents idéotypes et l'engagement pédagogique, c'est-à-dire entre l'inflexion vers des méthodes pédagogiques héritées de l'éducation nouvelle, tout ce qui peut être innovation pédagogique. Est-ce qu'il y a un lien entre l'engagement syndical ou dans les associations et l'engagement dans ces expériences pédagogiques qu'on peut mener. Je ne sais pas si bien. Je suis la plus à même de... Vous répondez à Patricia, à Renaud, puisque vous étiez tous les trois interpellés. Hein, vous répondez premier. Et puis, il y a une remarque d'Antoine Pro, si quelqu'un veut réagir à sa remarque. Ok. Alors, je parle et tu complètes si tu estimes que c'est... Voilà. La relation... Alors, vu que là, on s'est essentiellement basé sur des personnes investies à l'APSES, qui a déjà une... Enfin, par définition, les SES ont une démarche pédagogique particulière basée sur les méthodes actives, donc avec des militants, effectivement, de l'APSES qui sont effectivement sensibles à d'autres manières d'enseigner. Et du coup, souvent, ils sont engagés au SNES, quand même, le plus souvent. Pas forcément, mais... Il y a quand même un lien fort entre l'APSES et le SNES, dont on dit qu'il n'est pas le plus tourné vers la pédagogie, mais les débats sont assez... aujourd'hui, font un peu rebondir les choses. Donc, je ne sais pas, toi, tu as plus travaillé sur ces trajectoires-là Justement, moi, j'ai vraiment travaillé que sur les profs de SES, donc c'est une réponse qui est très parcellaire et il y a un gros, gros biais, donc je ne pourrais pas répondre pour les autres disciplines. Pour les enseignants de sciences économiques et sociales, c'est vrai dans l'ensemble, mais on a des cas déviants parmi notamment les militants de l'APSES, des gens qui vont y compris rejeter les méthodes actives. Et ça se joue sur l'ordre de la plaisanterie, c'est-à-dire un petit peu comme certaines relations au travail, etc. Les différences se jouent, par exemple, on connaît les affiliations syndicales de certains, y compris au bureau national. On a des membres du SGEN, des adhérents du SGEN et des gens qui sont même très militants au SGEN. Voilà, ça se joue, on se chambre entre adhérents du SNES ou du SGEN, et on peut être au SGEN et favoriser les pédagogies actives, à l'inverse d'autres mettre en avant d'abord une didactique qui sera plus magistrale, etc. Donc c'est pas si simple que ça. On n'a pas étudié ça assez finement, et effectivement le fait de ne pas avoir observé aussi, parce qu'on est sur du déclaratif, on n'a pas les pratiques des collègues dans les classes. Donc après il y a la pratique, et puis quand on creuse, on se rend compte que mais finalement je fais quand même pas mal de magistral parce que ça crée de la discipline. Donc c'est très complexe. Ça, c'est pas une question qu'on a abordée, c'est effectivement central dans l'analyse, je suis tout à fait d'accord, mais c'est un autre enjeu, c'est un angle mort de notre recherche. Je passe le micro à Ismaël qui réagit à Renaud. Alors peut-être juste une remarque sur l'APSES. il y avait peut-être des éléments intéressants. C'était le lien qu'il peut avoir entre l'extrême gauche de la FSU et l'APSES. À École Émancipée et Émancipation, enfin, me semble-t-il, il y a pas mal d'enseignants de SES, et traditionnellement, École Émancipée au sein de la FEN et de la FSU était dirigée par des enseignants SES. Donc il y a une proximité entre l'APSES et la gauche de la FSU qui est bon historiquement assez marquée. Je pensais notamment à l'expérience de Laurent Batch qui était à l'époque École Émancipée, bon qui a fini président de Dauphine, donc bon évolution un peu spécifique. Très très bon livre sur la FEN, effectivement. Enfin bref. Alors pour revenir sur la question de l'APMEP, il y a des moments de contact entre le SNES et les spécialistes qui passent notamment par certaines zones. Il y a une zone qui est privilégiée, ce sont les enseignants de spécial, enfin les enseignants de classe préparatoire. On se rend compte que le SNES, au fait, délègue une partie des postes des représentations en classe préparatoire à des spécialistes. Donc on a cité François Blin notamment, d'autres gens de la PAG notamment. Donc au fait, lorsqu'on veut placer des spécialistes dans l'appareil syndical, si j'ose dire, en tant que représentant, on passe par les classes préparatoires. Mais ça crée un biais parce qu'en règle générale, pédagogiquement, c'est pas les plus révolutionnaires. Donc effectivement, cela crée un biais entre guillemets pédagogique qui ne représente pas ni le corps ni la tendance syndicale. Donc effectivement, de ce point de vue-là, le choix de confier notamment les postes en CAPN, chaire supérieure, et les postes au conseil donc supérieur de l'éducation à des enseignants de classe préparatoire, ça crée un biais pédagogique. Donc le SNES n'est pas toujours représenté par les plus progressistes de la discipline. Alors dans le cas du SE, j'avais une interview de Laurent Brissé, qui était un des fondateurs du SE qui vient du SNES, donc ancien minoritaire du SNES. Alors Laurent Brissé, c'est assez intéressant parce qu'on avait parlé justement de la fondation du SE, et lui disait qu'à l'époque, le SE qui manquait de gens dans le second degré, parce que c'était pas sa tradition, il venait du SNI, s'était appuyé au fait sur des militants associatifs, de spécialistes, pour constituer un secteur au fait de spécialité. Et donc le SE, paradoxalement à l'origine, était relativement lié aux spécialistes, parce qu'il fallait en quelque sorte trouver des militants. Et ils ont trouvé là où ils existaient, donc au niveau associatif, à la fois pédagogique et spécialiste. Donc ce point de vue-là, donc, c'est assez paradoxal. Merci. D'autres questions ? Non, dans l'immédiat. Bon, moi, j'en aurais une éventuellement pour Yves Verneuil, qui a rappelé qu'en 1937, le paysage syndical se démultiplie, se pluralise. Hein, création du SGEN, création du SPES, existence de la Fédération nationale, continue. Et j'ai relevé la formule que tu as employée. Tu as dit chaque syndicat se réclame de ses sociétés de spécialistes. Est-ce que tu pourrais illustrer un petit peu? J'ai peut-être été inattentif, mais est-ce que tu pourrais exemplifier un petit peu, ou est-ce que j'ai bien entendu ton propos? Non, effectivement, 1937, bon, il y a le fait que le SPES se sépare, enfin que donc les militants cégétistes ne veulent plus de double affiliation avec ce qui était le S3, mais le S3 à l'époque c'était l'échelle nationale. Bon, en revanche, ce que j'ai dit, j'ai du mal à le faire comprendre, c'est que les candidats au Conseil supérieur, désormais il y en a à la fois qui sont présentés par l'ancien S3, bon, et puis il y en a qui sont présentés de nouveau maintenant par le SPES. Mais quand on regarde leur déclaration de candidature, La première référence à laquelle ils font, c'est leur société de spécialistes. Bon. C'est quand même très frappant. Puis d'ailleurs, il y a une autre chose qui est frappante à ce niveau-là, c'est que même les candidats du SPES signalent qu'ils participeront aux réunions de la commission pédagogique de ce qui devient le SNALC. Ce qui est troublant, parce que normalement, le SPES ne devrait pas agir de cette manière-là, parce que ça suggère qu'il y a une sorte d'indépendance entre la réflexion de spécialité et la réflexion plus largement sociale sur laquelle s'était fondé le SPES. Mais comme ils cherchent à se faire élire, ils le disent tous. Et il y en a un pour qui ça marche, d'ailleurs, c'est Fernand Mossé, qui est le représentant des agrégés d'anglais. Et ce qui est quand même très frappant, c'est que l'identification, le serrage de l'enseignement du second degré, qu'on appelait à l'époque secondaire, sur les disciplines, est quelque chose de très ancien. Alors, on se posait la question ce matin de savoir si c'était la réforme de 1902, puisque les associations de spécialistes naissent en 1905. Est-ce que c'est, pour moi, c'est plutôt 1880 et la décision d'avoir une véritable formation disciplinaire en faculté pour les enseignants, pour les professeurs. C'est la montée de l'agrégation dans les 20 dernières années du 19e siècle. Et donc, c'est l'enseignement supérieur qui a en quelque sorte inoculé le virus des disciplines à l'enseignement du second degré. Je crois que ça dépend des disciplines, parce que si on regarde la création de l'Union des physiciens, c'est... Alors, je ne sais pas si Renaud conteste, mais je ne sais pas si... l'Union des physiciens est quelque chose qui s'est... Dans l'histoire qui en a été faite, en tout cas, hein, c'est quelque chose dont la création, et la citation donnée le montrait un peu, qui est vraiment lié au problème pédagogique posé par la réforme de 1902 et la révolution du métier d'enseignant qui est, il faut maintenant faire des travaux pratiques pour nos élèves. Et au début, c'est né comme une coopération, une mutuelle d'idées, de travaux pratiques, de montage. Donc, en tout cas, pour l'Union des physiciens, l'origine, je crois, est réellement 1902. Renaud veut réagir et il y a aussi Yves qui veut intervenir. C'était une réaction immédiate à la remarque d'Hélène ? Oui, en fait, c'était immédiate. Parce que je pense que, c'est vrai que l'action de l'origine des associations, en fait, est, à mon avis, une question pas complètement éclaircie. C'est vrai que la réforme de 1902 semble un déclencheur. En même temps, pour le cas de l'Union des physiciens, il existait, et peut-être qu'on pourrait peut-être se poser la question pour d'autres associations, il existait avant sa création des revues, une revue en tout cas, qui s'appelait le Journal de physique élémentaire, qui était un journal qui se voulait avoir le même type de rôle que celui que va avoir le bulletin de l'Union des physiciens. C'est-à-dire qu'il y avait des revues professionnelles, donc pas d'association, mais des revues mutualisantes qui pouvaient jouer le rôle du bulletin des bulletins d'association, avec pas les mêmes finalités non plus, mais en tout cas des finalités très pragmatiques du point de vue du métier. Philippe Savoie veut réagir à cette réaction, et puis je donnerai la parole ensuite à Yves Verneuil, et nous gardons un œil sur la montre, car nous approchons de 16 heures. Demande d'Yves Verneuil, et ce sera la dernière intervention, hein, je crois, de cette session. En fait, ce que je prévoyais de dire, c'est Philippe Savoie qui l'a dit, hein, la vérité. Moi, je suis assez d'accord avec le fait que l'épisode Fortoul a été déterminant, et j'en veux pour preuve le fait qu'en 1946, donc lorsqu'il a été question de reconstitué sur une nouvelle base le Conseil supérieur. Donc Maurice Lacroix était à ce moment-là député à l'Assemblée constituante. Et il s'est opposé au projet qui avait été suggéré par le directeur de l'enseignement du second degré, Gustave Monod. Et il fait précisément référence à l'épisode Fortoul, en dénonçant les agrégations dites omnibus de l'époque. Donc il y a quand même un souvenir de cet épisode, manifestement. Enfin, bon. La deuxième chose, c'est que moi, je suis d'accord avec ce que disait Antoine Pro sur l'importance de ce qui s'est passé en 1880. Alors, bon, il y a effectivement l'ouverture des concours d'agrégation aux étudiants, mais il y a aussi le fait que désormais, j'y fais allusion, les agrégés ont un représentant par discipline au sein du Conseil supérieur. Et la voie de conséquence, c'est que avant même la naissance des sociétés de spécialistes, il y a eu un rassemblement tous les 4 ans. Autour de chaque candidat, il y a une sorte de mobilisation. Alors, ce ne sont pas des événements d'association, c'est interdit. Mais il y a des comités électoraux. Il y a des comités électoraux, et bon, il y a des appels, il y a des réunions qui se font. Bon, donc forcément, c'est le fait que ces élections soient disciplinaires a forcément renforcé encore, si vous voulez que l'épisode Fortou n'est pas déterminant, mais a renforcé encore donc cette identité disciplinaire des professeurs de lycée. Bien, il me reste à remercier très vivement les quatre orateurs de cette session. Cette session a été, comme les précédentes, très riche et les débats très animés. Si vous me permettez, je voudrais adresser un salut tout particulier à nos collègues portugais hein, qui se sont déplacés de Lisbonne pour ce colloque et qui ont apporté une dimension internationale à ce colloque. Les remercier et puis signaler également, bon, l'information est déjà passée parmi nous, mais je voudrais y insister. Donc, ces collègues sont venus dans le cadre d'une recherche qui est pilotée par Rosa Serradas, qui est ici présente, qui est financée par un organisme d'État du type de l'ANR en France, hein, autour de syndicalisme et associativisme, hein, pour traduire le portugais littéralement. Et les 18 et 19 janvier à Lisbonne, à l'Universidad Lusófona, hein, en plein cœur de Lisbonne. Un colloque sur ce thème est organisé avec un appel à communication. Et donc, les chercheurs ici présents et au-delà de ce cercle hein, sont appelés à proposer des communications et à se rendre à Lisbonne à cette occasion. Voilà. Merci encore. Et je vais passer la parole. Oui, Clémence, oui. Pour les conclusions, oui. Merci beaucoup. Alors, je vous rassure tout de suite, contrairement à ce qu'annonce le programme, les conclusions ne vont pas durer une demi-heure, mais plutôt 5 minutes, évidemment. Il s'agit d'abord, au nom du comité d'organisation, de remercier les présidents de séance de leur venue et pour leur contribution au débat, les orateurs qui ont tous suivi une discipline très rigoureuse et qui nous ont permis de respecter nos horaires, et aussi, évidemment, pour la richesse de leur présentation. Et puis, l'assistance, donc, avec un remerciement particulier pour les doctorantes qui se sont massées dans ce coin. Je voudrais remercier les politistes hein, qui ont fait cette démarche de venir dans un colloque qui avait quand même une forte couleur historique. Je crois que c'était extrêmement intéressant de pouvoir confronter les différentes approches disciplinaires. Et à mon tour, même si André Robert l'a déjà fait, je voudrais remercier la délégation portugaise au nom du comité d'organisation du colloque, puisque c'est extrêmement important pour nous d'avoir cette ouverture sur le cas étranger. Alors bien sûr, on ne peut pas dresser un bilan en quelques minutes de l'ensemble de ces réflexions, mais peut-être simplement quelques constats. Je crois que le pari qu'on avait fait en organisant ce colloque a été gagné, c'est-à-dire qu'il y a bien là un objet de recherche pertinent sur lequel, en fait, de nombreux travaux ont déjà été faits. Quelques conclusions, quelques impressions. D'abord, l'intérêt d'une confrontation entre des associations qui portent sur une spécialité qui s'inscrit exclusivement dans le domaine scolaire, donc ce qu'on appelle plus traditionnellement l'association spécialiste, et d'autres associations pour lesquelles la spécialité est à cheval entre un usage scolaire et un usage non scolaire, qu'il s'agisse du sport, de la musique, le monde de l'industrie. On voit que cette confrontation entre ces deux objets fait apparaître des convergences parfois surprenantes, parfois inattendues, donc ça nous confirme aussi dans le choix qu'on avait fait d'ouvrir le champ et ne pas avoir une acception restrictive du terme association spécialiste. Je crois aussi que c'est très éclairant, cette confrontation entre ces deux types d'associations, sur la façon dont se construit en France le rapport entre l'école et ce qu'il y a hors de l'école, avec notamment le cas des professeurs de musique et le fait qu'il y ait une association spécifique pour les professeurs de musique qui enseignent dans l'école, alors qu'à côté, dans les conservatoires, on enseigne aussi la musique. Je crois que c'est quand même assez révélateur sur l'école en France. Une deuxième remarque sur l'avancée des travaux dans certains points, notamment, alors on l'a vu avec cette dernière session, hein, les acquis dans tout ce qui concerne les rapports entre associations spécialistes et syndicales. On voit qu'il y a déjà énormément de choses qui ont été faites et que le temps de la synthèse est peut-être venu, grâce à la confrontation entre ces différents travaux d'historiens, de politistes. Deuxième élément aussi, deuxième point sur lequel les avancées sont importantes, c'est sur la question de la contribution des associations à la constitution des identités professionnelles, avec deux configurations différentes, celle des associations de spécialistes pour lesquelles l'association a été un format dans lequel qu'ont investi des professeurs chargés de disciplines déjà constituées, Donc c'est le cas pour l'histoire-géographie, les lettres, les mathématiques. Hein, la discipline préexiste à la naissance de ces associations de spécialistes. Et à l'inverse, toute une série d'associations qui ont été évoquées aussi ici, pour lesquelles la création, la transformation de ces associations a d'abord été un instrument, mais aussi un reflet d'un processus de constitution disciplinaire parfois très mouvementé, comme on a pu le voir pour la technologie avec cette floraison d'associations. Un troisième point aussi sur lequel les avancées sont déjà importantes, c'est sur la question des dynamiques et lieux d'engagement, avec une première chronologie, alors très très approximative, qui s'esquisse, essentiellement pour les associations de spécialistes au sens le plus traditionnel du terme, cette genèse au début du XXe siècle, avec disons une centration sur les grands lycées parisiens, les agrégés des grands lycées parisiens, des mutations liées dans les années 50 à la fois à l'accroissement des effectifs du second degré et puis à la transformation du système éducatif, et qui ont pour effet de renforcer le rôle des régionales, donc de répartir autrement les pouvoirs entre Paris et la province. Alors peut-être là, il y a des choses encore à creuser. Et puis, un troisième âge, alors qu'on a juste brièvement évoqué, c'est notamment Patricia qui le faisait à propos de l'histoire, hein, c'est l'âge numérique, avec une nouvelle forme d'engagement en ligne qui peut se faire soit dans le cadre des associations, soit en marge des associations, et qui redéfinit les modalités de l'engagement enseignant dans le domaine des disciplines. Bien sûr, il reste encore énormément de choses à faire, donc là je dessine trois pistes, il y en aurait mille autres sans doute. Peut-être s'interroger sur les variations, la proportion à l'engagement en fonction de la discipline de rattachement. Alors moi on m'avait dit quand j'enquêtais auprès de professeurs de français, ah vous savez, en lettres on ne s'engage pas, le professeur de lettres est individualiste. On a dit ces derniers jours, on a dit hier qu'à l'inverse, les professeurs d'histoire-géographie tenaient des positions très importantes dans les syndicats, que c'était une profession naturellement engagée. Donc là, sans doute, il y aurait peut-être un terrain à creuser sur cette question de la façon dont on peut expliquer le fait qu'un ancrage, une culture disciplinaire puisse avoir de tels effets sur la propension à l'engagement. Je crois que c'est le mécanisme, mais pas forcément limpide. Une deuxième piste qui avait été soulevée par Bernard Pudal, c'est la sociographie. Alors on a souvent, on passe par une approche sociographique quand on étudie les dirigeants d'associations. Ce qui serait bien, et c'est très difficile, je sais pour avoir essayé de le faire, c'est de passer à l'étude du réseau militant. Et là, on touche avec le second degré au problème des gros effectifs et des moyens limités d'une recherche individuelle. Mais c'est vrai que ça serait bien de pouvoir confronter ces analyses et ces impressions avec une connaissance beaucoup plus précise du terrain, des effectifs, avec des parcours, des trajectoires, des lieux de formation, etc. Et puis peut-être une troisième piste, c'est que, alors c'est aussi une impression générale, mais on a beaucoup travaillé à partir de sources internes aux associations, ce qui biaise un peu le point de vue, parce qu'on comprend bien ce que les associations essayent d'obtenir de l'État, mais on voit moins à l'issue de ces deux journées quelle a été la position des ministres, des administrations à l'égard de ces associations, et il y aurait là peut-être à partir d'un travail sur les sources ministérielles, qui est en partie fait, mais qu'il faudrait mieux mettre en lumière, toute une réflexion à mener sur le pouvoir, le rôle que l'État est prêt à concéder à ces associations, et ça permet d'enrichir notre connaissance du modèle politique français, du rapport entre l'État et les corps intermédiaires. Enfin là, il y a aussi un champ à creuser. Et c'est là que la confrontation avec le Portugal a été particulièrement enrichissante, puisqu'on a bien vu que au Portugal, cette dévolution se faisait beaucoup plus facilement, en tout cas dans le domaine de la formation continue, alors qu'en France, ça avait été une question extrêmement tendue, extrêmement complexe. Et donc, ce sera peut-être mon dernier point. On ne peut que souhaiter de pouvoir renforcer cette confrontation internationale. Et c'est ici que le projet portugais prend tout son intérêt. Donc voilà, peut-être que nous serons plusieurs à nous retrouver au Portugal. Merci beaucoup à tous.